pour voiture. Et lui, je vous jure, c'est une Ferrari. Mais dans une carrosserie de grand goût. Coé, 19h-22h sur Énergie. Toute l'équipe est là sur Énergie, on va déjà devoir se dire au revoir. Oh là là. On va pas chez un auditeur finir l'émission. Non, pas tout le temps. Allez voir la vidéo, hein. On l'a, la vidéo, oui, est montée. Sûr, allez oui. voir la vidéo de okay, alors, qui l'en faire un bisou chez l'auditeur hier, qui nous a invité hier Arthur. Demain, il y aura Tal. Qui sent mauvais de sous les bras dans cette équipe? Moi, c'est le moment d'en parler, c'est le moment d'en parler. Bah, enfin, ça va être dur de dire, ah, moi, je pue. Bah non, mais on moi, sent moi, bon. Je sens pas, moi. Moi, ça va, rien. Moi aussi, je sens le déo. Ouais. Pareil. J'ai un corps qui transpire pas. Moi, ça va. Non, c'est pas moi. Margot. Non. Stouff. Mika. Non. En même temps, personne va dire oui, je pue des bras. Sinon, je pas psycho et pue, psycho et pue. Il nous a regardé, il a fait ouais, franchement. Ouais. Loris, non, Loris, il sent toujours bon. Ah ouais. C'est vrai ? Il a un super parfum d'ailleurs. Bah, c'est pas avec ce qui bosse qui va transpirer non plus en même temps. Les bras croisés. Non, mais il a un parfum de folie. C'est vrai, c'est quoi son parfum hein? Je sais pas, mais ça sent super bon. Ouais, bah, dis donc, je trouve que vous êtes très très proche. Ouais. C'est marrant, hein, Julie, elle connaît le parfum. Hier, on était en taxi. J'ai dit, tiens, je sens l'énorme sexe de Loris. Elle a eu un grand sourire. J'ai dit, tiens, ils se connaissent bien, visiblement. Ouais. Mais c'est bizarre parce qu'il est gay, donc. Visiblement, pas tant que ça. Bien. Eh bien, il y a un truc dans le journal qui nous dit. Ce qu'il faut pour ne pas sentir de dessous les bras. Ah. Ils disent manger, que les... Oui, ce qu'il faut manger. Ce que les hommes qui consomment beaucoup de fruits et de légumes ont une transpiration que les femmes jugent agréable. Mmh. Oui, c'est normal. Oui. Ceux qui se baffrent de gras, de protéines, genre œufs, tofu, viande, sont ceux qui ont une odeur charmante pour le nez du sexe opposé. Ça marche aussi alors. Ah bon, il paraît que finalement c'est assez fort, mais que c'est charmant parce que vous savez, les femmes elles aiment quand ça sent un petit peu l'homme. Ah oui, on aime bien que ça sente bon. Il y a des phéromones. Voilà. Par contre. Ceux pour qui ça pue le plus, c'est ceux qui mangent quoi d'après vous? Des crustacés? Non. Ah, les fast food. Ah, c'est vrai, les fruits de mer, ça sent. Ah, bah ça sent les moules, mais enfin, faut manger les fruits de mer tous les jours. Ouais, ça sent. Sentir l'alcool le crabe. Aussi, non? L'alcool, non, ils ont pas les parlé fast de boisson. Food, non, les trucs gras. Non, ouais, non. Les kebabs, ils disent que ça va. C'est vrai? Les kebabs, ça passe. Ouais, tout ce qui est un peu gras et protéines, éventuellement, ça passe. Mais à ce quoi, il reste les féculents, les patates. Les pâtes, c'est celles qui ont les sueurs qui puent le plus, les pâtes. Mais non. Ah, le régime qui est riche en glucides, ça sent mauvais dessous les bras. Ah merde. C'est fou quand même. Ouais. Moi qui mange des salades vertes par exemple en ce moment, ma sueur c'est de l'eau de source. Comment est-ce que ta gueule? Vas-y, lèche-moi les soupes. Vas-y. Lèche-moi les soupes bras, tu verras, tu vas connaître un volcan d'Auvergne. Je déconne pas. Alors tu laisses les miens alors. Non. Autant j'ai confiance dans les miens, mais j'ai pas confiance dans les tiens du tout. Bon, c'est là-dessus que je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. On revient demain avec Tal. Bisous. Et vous êtes avec Guillaume maintenant. Demain. Allez, au revoir. Soyez sages. Au revoir. Coé revient demain dès 19h sur Énergie. Du dimanche au jeudi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez à l'antenne. On y va 22h sur Énergie comme chaque soir, 22h minuit. Putain, j'attendais depuis tout à l'heure encore dans le couloir avec toute l'équipe. On est là, c'est parti jusqu'à minuit, du coup pendant 2h. On essaie de profiter au maximum si vous voulez venir délirer avec nous, avec l'équipe. Sur le standard SMS, ils arrivent directement sur l'écran devant moi pour qu'on puisse les lire à l'antenne. Donc vous pouvez les balancer en tapant bien Guillaume au début. Guillaume au début du texto, vous me le balancez au 6, 11, 12. Si vous voulez balancer une petite dédicace, avec grand plaisir les mecs. Sur le tweet, vous pouvez balancer avec le hashtag Guillaume Radio aussi, on voit les tweets qui arrivent sans problème. On est merci de m'avoir fait passer à la radio hier soir, un grand moment magique. Salut Amandine, 27 ans à Somme, un gros bisou Amandine. Ça fait du bien de vous réentendre hier, c'était génial. Salut Fanny du 59, Thomas du 27, trop bien de vous écouter. 2h ça passe vite, mais bon. Salut à toi gros, au moins on est là encore et on est là en direct. Attention, c'est important. Contrairement à parfois plein d'autres émissions, on est là tout le temps en direct et c'est pour ça qu'on préfère garder la qualité que la quantité. Salut. On va passer une bonne émission. Salut frérot, salut, ravi de vous retrouver. La guerrière de Toulouse, bonsoir la guerrière. Vous êtes les bienvenus, si vous venez d'ailleurs avec toute l'équipe. Chaque soir, on va se retrouver ici pour passer 2h. Vous êtes peut-être en voiture, ce soir peut-être à la maison. Il y a Julien, le stagiaire, qui est avec nous ce soir. Ouais, je suis là, salut Guillaume, salut tout le monde. Là, voilà, ça va, t'as passé une bonne journée. Ouais, très bonne, en forme, bien qu'on en ait là ce soir. C'est marrant, j'ai oublié comment on faisait un peu de la radio. Bah, on l'a perdu. Je te jure, même hier, on a repris hier, j'ai un petit peu perdu. C'est la rentrée un peu. Salut les mecs, voilà, Guillaume et votre petite dédicace à l'antenne, pas de problème. problème. On a des cadeaux à vous offrir tout à l'heure, des PS4, des iPad Air 2 à vous filer ce soir aussi. Bonsoir à JM du Standard. Salut Guillaume, salut tout le monde. Qui est là le soir? Bonsoir. Bonsoir. Ça va Flo des cadeaux? Salut Guillaume, salut tout le monde. Ouais, ça va tranquille. Bien la journée? Oui, très bien. Oui. Très très bien. Oui, très bien, très bien. Très vous avez journée. Fait quoi hier aujourd'hui? Ouais. Hier, bah, c'est à vous le blouson rouge là, non? Non, c'est à Julia. C'est à Julia la nouvelle. Ça va Julia la nouvelle? Ça va, salut Guillaume, salut tout le monde. C'est à toi ce bomber, ça? Tout à fait, ouais, c'est à moi. Ah, c'est coloré. Attends, mais non, en fait, non, c'est un bomber. Nike. Ouais. Mais c'est écran japonais. Ouais, c'est ça. Mais c'est faux. Non, mais il est bizarre parce que la virgule, elle est pas comme les autres virgules. Elle est à l'envers. Ouais, c'est pas un vrai. Ouais, je crois que c'est une imitation, un truc. Ah bah, tu crois, tu sais très bien. J'ai acheté comme ça sur internet. Bah oui, c'est pas l'étiquette. Ah, sur internet. Ah, oui, d'accord. Avec l'étiquette Nissan à l'intérieur. On met du canon. Ouais, vous revoilà. Salut Karine. Gros bisous, ma Karine. Salut Guillaume, ravi de vous écouter ce soir. Salut Caro, 17-9. Bah, gros bisous. Bisous. Salut, dédicace à Nico du foot. Salut Damien du 34. Salut, gros bisous à toi. Salut Romain de Pondin. Salut Romain. 23 ans, salut à toi. Est-ce que tu veux dire que quand tu faisais 3 heures, il y a des passages enregistrés? Ah bah non, justement. Non, et c'est pas pour les travers, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont enregistrées les après-midi, voilà, etc. Machin. Même le matin. Et nous, on se couche tous les soirs à 3 heures du matin. Physiquement, c'est très très compliqué depuis 5 ans au départ. Parce que j'ai même plutôt à 6h30, 7h. La base. Et c'est tout simplement, parce que moi, j'ai comment ça s'appelle, des polypes aux cordes vocales. C'est des petites boules en fait qui poussent à force de parler sur la voix. Et donc, je suis obligé de prendre plein de petits cachets. Donc, ça sert à rien de tirer. Je sais pas où il est tenu à 35 ans. Voilà. Donc, je préfère me dire on fait 2 heures, mais on fait de la radio encore pendant des années que de faire ça pendant 6 mois et qu'à un moment donné, j'ai les cordes vocales qui pètent. Et donc, voilà, je prends beaucoup de cachets, mais c'est rien de bien grave. Les polypes, il y en a plein qui en ont. Bah, ça arrive. Il a des hémorroïdes. Non, je n'ai pas. Pourquoi? Je suis propre. Mais ça y est, j'en ai déjà quasi. Enfin, j'en ai même plus d'ailleurs de polypes. C'est juste que ça peut revenir si je force trop longtemps. Et faire des émissions de 3 heures ou 4 heures d'affilée. Je saignais du nez la nuit pour vous expliquer un peu les détails glauques. Bordel. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut mieux peut-être faire 2 heures, mais continuer à faire ça passer un peu plus longtemps. C'est comme quand t'es footballeur et t'as un problème au genou, si tu continues à faire 10 ouais. heures de sport par jour, bah, tes genoux ils craquent en direct sur les matchs, machin. Bah, la santé. Il faut mieux faire un petit peu attention et voilà, parce que même si. Et puis, il faut mieux être là 2 heures que plus du tout. Trop content de vous retrouver. Je vous kiffe, dédicace à l'équipe. Salut Marie du 44, gros bisous à toi. Enfin, le bonheur de vous entendre. Bisous à l'équipe. Salut Amélie. Salut. Salut Guillaume, ça fait longtemps. Salut 3 d'être le 29 septembre pour le FIFA 17. Salut à toi. Ouais, il sort déjà. Je suis là, mon Guillaume, je suis chéri, gros bisous. Je serai toujours là, quoi que ça soit, 1 heure ou 24 heures d'affilée. Salut les chéris, ça fait presque un an que je suis pas venu à cause de plein de problèmes. J'ai tout hâte de vous revoir. Bah, merci pour toutes vos petites dédicaces. On va retrouver Victoria qui a appelé de Aulnay-sous-Bois. Bonsoir Victoria du 93. Bonsoir. Ça va Victoria? Salut. Salut. Salut papa. Ça va ou quoi? C'est la reprise vendredi pour toi Victoria ou c'est quel jour? Ouais, c'est ça, vendredi, ouais. Ah, c'est ça, c'est la reprise. Après, t'es en week-end, ça va. Ouais. C'est une grosse reprise. Ouais. Oh là là, putain, ça va. T'as hâte ou t'as un peu peur de la reprise, toi, Victoria, là? Non, franchement, ça va, parce que j'ai tous mes potes qui me suivent au lycée, donc tranquille. Ah, c'est vrai, t'es en quelle classe, toi, là? Je rentre en seconde. Ah, ouais, en plus, d'accord. Ah, ça va. Ouais. Non, mais le passage dans un nouveau bahut, ou quand t'arrives en 6ème ou en seconde, c'est pas agréable, quand même. Ouais, bah, elle est nouveau, tout ça. Même si t'as hâte et tout, quand même, l'été, tu stresses un peu. Moi, je stressais avant le collège. C'est la panique, ouais. Ah, putain, la veille, je dormais pas et tout. Oui. Ah, tu manges pas, t'as mal au ventre, tu vas aux toilettes. Ah, je me demandais, mais qu'est-ce que ça va être et tout. Les profs. Donc, vous inquiétez pas, les potos. Si c'est dans 3 jours, vous arrivez au collège, au lycée ou à la fac, vous arrivez dans une nouvelle fac ou dans un. Moi, j'ai changé tous les 6 mois de bahut, donc j'étais habitué, mais j'avais quand même un pincement. Bah oui, normal. Le ventre. Un petit mal au cœur le matin, on réveille, envie de vomir. Ah, c'est normal. Déjeuner. Et tous les matins, il pleut à la rentrée, je trouve. Merci, j'aime ça. Ça dépend où t'habites. J'habite à Marseille. Ah bah, pas n'importe quoi. C'est vrai, je te promets. Pas chez moi, jour de la rentrée. Mais tout le temps. Au mois de septembre, il pleut. Merci beaucoup. Merci. L'émission est super. J'ai cru que vous avez arrêté l'émission. Bah non, tu rigoles ou quoi? Non, attends. Toujours là. Au contraire, un coucou à Kitri qui est venu te voir cet après-midi. Ah oui, gros bisous, Kitri. Salut. Faire un bisou en bas de la radio. Une fille qui écoute depuis longtemps. Salut à toi, Aurore. Gros bisous. Ça fait presque un an que je suis pas venu à cause de plein de problèmes, mais maintenant vous êtes sur les meilleurs. Salut à toi. J'ai eu une PS4 pour mon anniversaire hier. Bah tiens, félicitations, bon anniversaire à toi. Mais beaucoup manqué. Salut Jessica. 2A représente la Corse du Sud. Ajaccio. Ouais, je serai toujours là aussi, t'es mon idole. Je vous aime énormément. Ah bah, c'est gentil les mecs pour les petites dédicaces qui arrivent. On se fait donc Major Lazer qui arrive, le nouveau. Il y aura 21 Pilots. Tous les plus gros hits sont découverts là. Il y aura Sib. C'est quoi, on dit Seb ou Sib? Ouais, Sib, je crois. Sib, c'est comme Seat. Je crois, Seat, mais on sera le nouveau Lil Wayne avec Wiz Khalifa. Avec Imagine Dragon. Ouais. Parce que là, on n'entend que Imagine Dragon. Il y aura Pitbull Florida. Ouais, Flo des cadeaux. La BO de Suicide Squad. Merci beaucoup. Ah, exactement. Très gros film. Film et 21 Pilots aussi. Il est énorme, le nouveau Pitbull et Florida. On va s'écouter. Je sais pas comment il fait Pitbull, pour moi c'est le Rihanna français. Ouais. Le ouais, Rihanna, le Rihanna français, le Rihanna masculin. Bah, oui. Le mec il sort 5 hits par jour. Attends, il est où là? C'est lui ou Florida là? C'est Florida. Florida, Florida. Ah, là, c'est Florida. C'est un nouveau. Il chante pas dessus. Ah, c'est lui. Il a un flow. Tu le reconnais. Je crois que c'est le mec qui groove le plus peut-être au monde. Il y a Sean Paul, non, mais c'est un truc de fou. Ah, mais je crois qu'il groove plus que Sean Paul. Ah, oui. Et lui il vend 50 fois plus que Sean Paul. Dans toute l'Amérique latine, les États-Unis, c'est un truc. Dès que Pitbull est arrivé, il sort un morceau. On ne peut parler. Regardez le flow qu'il a. Franchement, c'est inhumain. Ah, bah oui. On va se caler la green light. Déchire. On va se le faire en entier. On se refera les pervers demain. Alors, il y aura une petite nouveauté dans les pervers. On va se faire avec les cousines, mais il y aura plein de nouvelles cousines. Je vais faire venir plein de petites surprises. Je me ferai passer pour une femme. On va appeler les petites annonces de cul. Oh putain, c'est bon de vous entendre. Oh, c'est bon. Nouveau, c'était long la route cet été sans vous. Ça y est, le Rasta du 3-5. Salut mon poteau, on est revenu. Ça y est, vous pouvez salut, passer. Bonne route. Vous pouvez le mettre sur vos Facebook. Vous pouvez mettre un petit tweet pour dire un petit tweet comme ma grand-mère. Voilà, pour dire, pour dire qu'on est revenu à partir de 22h. Voilà, 22h minuit. On a raccourci pendant une saison. Peut-être que la semaine prochaine, que l'année prochaine, pardon, on arrivera peut-être plus tôt, peut-être plus tard, peut-être plus longtemps. On fera une heure, 4 heures. Ça change à chaque fois, mais là, c'est histoire de reposer un petit peu les cordes vocales. On fait 22h minuit. Attention, il y a encore plus de préparation la journée. C'est-à-dire que 2 heures encore plus chargées. Un Julien stagiaire rasé de la bite. Rasé à standard rasé de la barre. Ah ouais, vous avez une équipe au taquet qui est avec nous ce soir. Je peux vous dire, c'est. J'aime on est pas si chaud là. On mettra les photos de vacances de l'équipe. J'ai récupéré une photo par personne. Je vous la mettrai sur notre Facebook. Guillaume Play, P-L-E-Y. On est combien sur la page Facebook JM du standard? Ouais, je te dis ça tout de suite, Guillaume. Je merci, JM. Il est pas prêt. Il est pas prêt. Le mec, il est un mois et demi pour se préparer. 1 951 079. Ah, merci beaucoup. Vous pouvez venir liker. C'est 2 minutes, on arrive à 2 millions ensemble. On va faire un énorme truc quand on sera à 2 millions. Guillaume Play, P-L-E-Y, c'est 2 secondes. On va appeler des pervers tout à l'heure. On a répondu à des petites annonces de cul. On a eu QQ Clan. On a eu Omar ma prostituée. Ça, c'est les vrais pseudos, je précise. Ouais. Ce sont les vrais pseudos qu'on a reçus sur les chats de cul. On a eu Labide Neuf et pas le moine, Sodomongo. On a eu Uchen Plot. Voilà, on en a eu plein. Et ben, on va les appeler après. On se fera Snake. Le nouveau avec Justin Bieber. On se fera tout ça. Et toi Victoria alors, vendredi tu rentres en seconde, tu t'es dans quel bahut le Nessou là? À l'Espérance. À l'Espérance, très bien. Salut à tous ceux qui sont à l'Espérance alors. C'est un bon nom ça, l'Espérance. Allez, bon courage, on est avec vous les mecs. Je sais que c'est relou là, la semaine avant la rentrée, c'est insupportable. Bon en tout cas c'est super sympa. Merci d'être passé avec nous Victoria. Et puis je te rappelle quand tu veux Victoria. À bientôt, salut. Bonne nuit. Okay. Bonne ciao Victoria, gros bisous. Mais non, je rigole Victoria, quand même que tu parles avant de dire au revoir. L'accueil. Un minimum quand même. Bon ça va, alors toi t'es en seconde, tu veux faire quoi après dans la vie? Tu sais un petit peu où tu te situes ou t'es vraiment un petit peu paumé encore là? Non, en fait, j'aimerais bien tenter de travailler dans le marketing digital. Dans le... Ah ouais, d'accord. Ah, c'est, c'est pointu, ça. T'aimerais être community manager, quoi. Ouais, un peu, c'est ça. J'irais Facebook, Twitter toute la journée. Instagram. C'est quand même dingue, il y a des métiers, ouais, c'est voilà. Ça. Hein. Ouais. Ça s'appelle des CM. Ouais. Ah oui. Des community managers dans les boîtes. Voilà. Genre, tout à l'heure, j'ai rencontré. C'est un nouveau métier, quoi. Le CM, il me dit salut, je suis le CM de Cyril Hanouna. Enchanté. Il est hyper sympa en plus. Et c'est marrant parce que maintenant, on dit c'est un métier, quoi. Ouais, c'est récent. C'est génial, quand même. Ouais. Très important. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Ah ouais, c'est chouette. Comme Facebook. Ah, c'est trop bien, Victoria. Tu mets un petit peu des photos de toi sur Snapchat, mec. Tu mets toutes sortes de photos. Avec des vidéos, non, t'es sur quoi, toi, Victoria? T'es un peu sur Snap comme tout le monde, quand même, sans moi. Ouais, comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Hein. T'es sur Pokémon Go, t'es à quel level, là? Non, je l'ai même pas téléchargé. Non, c'est vrai? Ah, putain, pourquoi? C'est pas ton non, truc? Non, c'est vrai. Ah, t'aimes pas, hein. Ouais, je sais, mais en fait, j'ai plus de place sur mon téléphone, du coup, je peux pas le télécharger. Ah, ouais, je comprends. Ah ouais, ça prend de la place, les Pokémon. Et ouais, de la batterie. Non, mais c'est vrai. Ah, oui. Hein, et plus t'en as, plus ça prend de la place. Hein. Ouais, voilà. Le taf n'est toujours pas revenu, mais au moins, vous êtes de retour avec des caisses de délire. Gardez le cap. Salut, bonne soirée. Bisous, René le taxi. Salut, gros bisous. Salut, René. Ah, salut, René. L'orgasme de vous entendre à nouveau, c'est bon, ça, vous nous avez manqué. Bonsoir, Slay Geek. Bisous. La meilleure salut, équipe de radio. Bonsoir, Seb de Dordan. Salut, Guillaume. Allons chercher le chat de Sacha chez Oh non. Delphine et Thomas. Putain, ça fait longtemps qu'on avait oublié ça. Non, c'est bon. On pourrait même faire un jeu des hôtels avec ça. Ouais, putain, le c'est bordel. Ouais, on pourrait faire un jeu des hôtels. Il faut caler. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. J'aimerais réserver une chambre. Je serai avec le chat de Sacha. Je vais aller chez Sacha. Franchement, c'est pas très dur. Parce que je reviens chez Sacha. J'aurais aimé aller avec le chat de Sacha. Non, c'est impossible. Le chat de Sacha chez Sacha. Le chat de Sacha. Non, c'est possible. On va aller chercher le chat de Sacha chez Sacha. Ouais. J'aime du standard. On va aller quoi? On va aller chercher le chat de Sacha. C'est chez Sacha. Avec que des S et pas de H. Salut l'équipe, bonsoir, c'est parti pour 2 heures avec les meilleurs. J'attendais depuis hier soir minuit. T'inquiète, on comprend Guillaume pour 2 heures de direct. Prends soin de toi. Salut Karine du 35, salut. Salut Karine, bisous. Gros bisous ma chérie. Le bonheur, il est avec vous quand on vous écoute. Grave, eh bah, c'est gentil les mecs. J'avais mis, il est où le bonheur? Mais on me l'a pas remis sur le Christophe Maier. J'avais mis hier. Le 1er septembre, c'est le jour de la rentrée, c'est mon anniversaire. Salut Basma du 01. Ah, c'est jeudi. Ah, c'est dur. Bon, écoute, t'as un mec Victoria ou t'es solo à Olnessou là? Non, je suis solo. Ouais, t'es solo. Ouais. Bah, c'est bien solo. Genre, t'as déjà eu un cum et tout ou pas trop? Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. T'es resté genre. Ah, y a ta mère qui écoute ou quoi? Non, mes parents ils sont restés tranquilles parce qu'en fait là c'est mes 15 ans et du coup il y a tous mes potes qui sont en bas. Et c'est ton anniversaire ce soir? Ah, tu fais une soirée? Non, en fait c'était le 21, mais je le fête ce soir parce que bah, le 21 tout le monde est encore en vacances. Ah bah bon anniversaire! Bon anniversaire! C'est énorme, putain. Il y a toutes tes... Ah oui, donc en fait, tu veux pas trop parler puisqu'il y a tes copines en bas. Ah oui, c'est cool. Non, mais c'est sûr. Non, attends. Mais de toute façon, mes copines, elles sont au courant de tout. Donc. Il y a des bestas. Voilà. Enfin, elles connaissent tout, Quand tu prends une photo de toi sur Snapchat et que tu l'envoies à un mec, elles sont pas au courant de ça. Bah, ouais. C'est pas sa photo. Ouais, moi j'ai trop peur un jour que Snapchat ils sortent les dossiers. Ah, mais ils les ont en plus. Ils enregistrent tout. Non, mais c'est sûr. Je sais, mais ça c'est pas normal. Hein. Bah ouais, mais. Ah, c'est vrai, hein, ouais, putain. Ouais. T'as déjà envoyé une photo un petit peu sexe, Julia, là, qui est avec nous sur bah Snap? Oui, c'est vrai? Oui. Moi j'ai jamais envoyé de photo. Ouais, j'ai trop peur. Pas sur Snap en tout cas. J'aime ça, ils sont en prendre la tête. Avec une photo de sa bite. Il y a marqué Kodak derrière. Il a pris la Carrefour. Polaroid. Tu sais, dans les machines pour imprimer des photos là. Prendre des photos de ses couilles et les postes. À ses anciens employeurs en Sud. J'aime ça. J'ai déjà envoyé photo comment là? Ouais, c'est pas par SMS quoi. SMS, ouais. C'est il y a longtemps. Ouais, bah oui, c'est il y a longtemps. Ouais. Mm. C'est vrai que moi j'ai très peur parce que c'était déjà arrivé une fois qu'il y avait une des vols de données à Snapchat. Ouais. Même ta mère, on peut balancer après. Ouais, ça fait peur. Hein. Non, mais sur Snap, si le mec il a pas fait ou la fille a pas fait de screen, capture, en théorie, tu peux pas récupérer. En tout cas, à part Snapchat. Ah si, je crois qu'il y a une technique en fait. C'est vrai? Pour regarder après? Comment on fait? En fait, je crois que tu te mets en mode avion. Tu retournes sur Snap et après tu fais une impression d'écran. Ah, et ça se voit pas? Ouais. Ah. Bah, je suis en train de me dire putain merde. Ah merde. Non, c'est vrai? J'ai vu un truc tourner, ouais. Ah, bah oui. Mais t'as pas essayé? Ça marche ou pas? J'ai pas essayé. Je crois que ça marche. Essayons. C'est-à-dire que tu peux faire des Snap. Ouais, tu fais des screens sans qu'il le voit. Oh putain de merde. Ah ouais, c'est chaud. Mais il faut connaître la technique, hein. Enfin, putain. Ah, c'est tout le monde la connaît maintenant. Oh là là. Bon, Victoria, je te pose pas de questions, ma chérie, parce que je sais que c'est un petit peu embêtant quand on est avec ses bestas. Non, mais t'inquiète. Je veux une copine de Kev. C'est pas français, ça, je comprends pas. Ah, tu veux une copine Kev, quoi. D'accord, ok. Ah oui, tu dis que c'est toi Kev, en fait. Menteur, comme un arracheur. Énorme, mordeur. Salut les gars, ça fait plaisir de vous l'entendre. Bisous à tous les poteaux. Salut Titi Riders. Salut Titi Riders. Salut. Gros bisous. Salut. Salut mes poulets, ça fait plaisir de vous entendre. Cric du 43. Salut le 1er septembre, c'est le jour de la rentrée, c'est mon anniversaire. Bonsoir. J'avais lu juste avant celui-là aussi. Bah, gros bisous à tout le monde. Victoria, t'avais appelé pour raconter un truc qui t'était arrivé, qu'est-ce que t'as eu? Ouais, bah en fait c'était il y a 2 ans. Ouais. C'était l'été et il était vers 4h du mat, un truc comme ça. En fait on dormait tous chez moi. Et en fait ma mère dans la nuit, elle voit qu'il y a des espèces d'appels de lampes en fait. Enfin il y avait de la lumière des en gros. Des appels de lampes. Ah ouais. Bonsoir. Ouais, bien. Non mais enfin, je sais pas, mais il y avait de la lumière en gros dans le jardin. Ouais. Du coup, ma mère, elle se lève et elle va voir dans le couloir. En fait, on a une fenêtre qui donne sur le jardin d'en haut. Et là, elle voit deux mecs dans le jardin. Du coup, elle commence à réveiller mon père en disant, ouais, il y a deux gars dans le jardin et tout. Du coup, moi, en fait, j'entends et je me réveille d'un coup en panique. Et là, mon père, il ouvre la fenêtre et il dit, ouais, mais qu'est-ce que vous foutez dans notre jardin? Et les deux gars d'en bas, ils commencent à dire, calmez-vous, vous inquiétez pas, on est de la police. Donc t'as deux mecs dans le jardin, en fait en gros t'as deux mecs dans le jardin et t'es pas en descente pour savoir qui c'est, ils te disent on est de la police. Oula, ouais, bizarre, c'est ouais. Chose. Ouais. Mais ils étaient habillés genre en flic dit... Non, même pas. Donc mon père il commence à dire mais comment je peux savoir que vous êtes vraiment de la police? Il fait, et les deux gars en fait ils disent est-ce que vous pouvez nous laisser rentrer chez vous et passer par la maison pour retourner dans la rue. Ouais. Donc déjà nous on dit c'est bizarre, mais bon, à la limite pourquoi pas. Donc mon père il descend en bas. Il ouvre la baie vitrée, tout ça, pour les laisser passer. Mais les gars, en fait, ils étaient habillés normal. Ils ne présentent aucun badge. Enfin, en fait, on avait aucune carte. Certitude que c'était des flics. Et donc, du coup, bah, mes parents, ils les laissent passer parce qu'en fait, ils étaient en train d'escalader de jardin en jardin. Ah ouais, en fait, c'était des voleurs, donc, qui évitaient la police, ouais, en fait. C'était des voleurs. Ouais. Ils se faisaient passer pour la police. Donc, bon, nous, on se dit, bon, on réfléchit pas trop. En plus, c'était sur le moment, t'es pas trop réveillé. En fait, on a toujours un truc où on se dit, un voleur, putain, c'était un cambrioleur et tout. Et tu sais, t'as l'impression que c'est une race à part. Ouais, genre, le mec n'a pas de vie. Tu l'imagines, en fait, c'est le matin, le mec, en fait, il est comme toi, il va au supermarché, il achète des trucs, et le soir, il met une cagoule, il va cambrioler. C'est son métier. C'est ton voisin. C'est limite son métier. C'est dingue. C'est ouf. Parce que tu dis, t'as l'impression que c'est des gens qui n'existent pas, c'est des cambrioleurs. Mais en vrai, quand tu vas à la il est peut-être devant toi en train de faire la queue. Quand tu vas à la boulangerie, il était derrière toi en train d'attendre pour son pain. Peut-être la famille, pareil que tu crois, c'est sûr. Un collègue. Peut-être que tu connais quelqu'un qui en fait est le fils d'un cambrioleur, quoi. On sait jamais. Et alors, en gros, tes parents se sont fait avoir, en gros, quoi. Ouais, mais un peu du coup, parce qu'après, en fait, du coup, un peu repris, tout ça, on va se recoucher. Et en fait, là, on commence à entendre du bruit dans le jardin. Donc on dit, là, il y a un problème, quoi. Ouais, bah ouais. Et du coup, en fait, on se relève. Enfin, en plus, mes parents, parce que moi, forcément, ils me protégeaient, entre guillemets. Donc, moi, je restais un peu à l'écart. Et là, on revoit encore deux mecs dans le jardin. On se dit, c'est pas possible, il y a vraiment un problème. Du coup, là, ma mère, elle appelle les flics. Elle dit, oui, je sais pas, il y a des gens qui arrêtent pas de passer dans le jardin. Enfin, c'est bizarre, ils nous font croire que c'est des flics, etc. Donc, du coup, là, les flics, ils disent, attendez, bougez pas, donnez-moi votre adresse. Ah oui, et là, c'était des vrais flics, par contre, d'accord. En gros, t'as eu les vrais flics après, ouais, qui sont arrivés, dans la foulée. Juste, t'as tu déjà fait niquer par un mec à gouler? Non, jamais. Est-ce que vous êtes déjà fait avoir un peu comme Victoria d'Aulnay-sous, là? Est-ce que vous êtes déjà fait niquer par quelqu'un? Ouais, un commerçant. Voilà, est-ce que vous êtes déjà fait niquer par quelqu'un? Un voisin. Se faire avoir. Est-ce que vous avez déjà fait, vous avez acheté un truc, vous êtes fait niquer? Ou est-ce que vous êtes déjà fait avoir dans la rue? Vous êtes déjà fait avoir, vous avez laissé rentrer un cambrioleur? Est-ce que vous êtes déjà fait avoir? Guillaume, et votre message avec votre numéro de téléphone dedans, là, au 6-11-12. On se fait les pervers juste après Major Lazer et Justin Bieber, le nouveau. Il s'appelle Cold Water, au froid, donc je le cale maintenant. Guillaume, et votre message avec votre numéro de téléphone au 6-11-12 sur Énergie, là. Est-ce que vous avez déjà fait avoir? On en parle maintenant. From around

trumpets blow. Qu'on vous a donné autant de plaisir pendant deux heures, c'était... jamais. Du dimanche au jeudi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour, on va se faire les pervers dans deux minutes. Putain, il kiffe de reprendre avec vous là. Putain, c'est trop bien. Merci à vous en tout cas d'être là. Moi, au Corse, pour une manif, il y en avait qui avaient des cagoules. Ils faisaient genre, c'était des flics. On parlait des fois, on s'est fait avoir. On va, puisque dans l'équipe, on a une nouvelle personne qui s'appelle Julia, ouais. Qui était en stage avec nous avant l'été. Et comme parfois, vous savez, il y a des sortes de contrats un petit peu différents entre les standardistes, comme il y avait... Amina qu'on embrasse, qui est maintenant d'ailleurs chez Mickaël, on lui fait un gros bisou. Salut. Avant on avait une fille qui s'appelait Sarah. Il y a eu aussi Bérénice qui après qui est partie chez Coé. Ouais. C'est vrai qu'avant on avait Bérénice de chez Coé, qui n'est plus chez Coé d'ailleurs. Non, elle est en Belgique. Elle est sur Énergie Belgique. Matin, ouais. Et vu que c'est des contrats un petit peu différents, parfois c'est contrat d'un an ou d'un an et demi, donc ça peut arriver que ça change. Ça tourne. Comme ça, voilà, pour vous expliquer un petit peu pourquoi ça s'est passé comme ceci. Flo des cadeaux. Ouais. On a toujours des PS4, des iPad Air 2. Et des enceintes affilées. Et des bracelets Fitbit. Moi, ça, on s'en bat. Si je ne le dis pas, ça sera. Ça peut faire plaisir à certains. Ça peut faire plaisir à certains. Ceux qui aiment les bracelets. Ceux qui courent, évidemment, c'est ça. Tu cours, Flo et Cadeau ? À fond, voilà. Tous les jours. Donc, déjà, non. Il est où le bonheur ? Il est où ? Pas dans le sport pour Flo et Cadeau. Moi, je me suis fait escroquer 200 euros en achetant une pièce de PC sous garantie et je ne l'ai jamais plus revue. Mon argent, on parle un petit peu ce soir. Des fois vous êtes fait avoir, on va en parler dans deux minutes. On se fera soprano car... si tu me parles, le nouveau en feu. Il y a Guigui de la régie qui va nous sortir trois sons qu'il a trouvé sur le net ou à la télé aujourd'hui qui ont marqué un peu la journée, qui étaient marrants. Et si vous voulez venir poser des questions pour connaître un petit peu Julia, poser des questions à Julia qui est maintenant avec nous, vous pouvez venir, vous marquez Guillaume un espace Julia avec votre numéro au 612. Guillaume un espace Julia avec votre numéro au 612. Vous venez lui poser une question pour la connaître un petit peu. Que vous venez d'arriver, vous la découvrez, vous voulez vous poser des questions, venez les poser vous-même directement, ce sera plus simple. Comme ça, pour apprendre à la connaître avec plaisir. Juste Victoria Dolnessou qui t'était fait avoir par des faux flics. Vous êtes hyper nombreux à nous passer des coups de fil. Il y a aussi Fred, tu m'entends Fred? Oui, allô. Ça va Fred? Salut. Ou quoi? 26 ans du 7-6 en Seine-Maritime. Ouais, Normandie, salut mec. C'est ça. Salut, ça vers le Havre. Salut. T'es où toi exactement comme ville? Saint-Rémy-Beauce-Crocourt. À Saint-Rémy Beauce-Crocourt. Beauce-Crocourt. Voilà. Eh ben vas-y, sois le bienvenu Fred. T'es au volant là? Ouais, ouais. C'est ça, qu'est-ce que tu as raconté, mon Fred? Attends, je vais débrancher parce qu'il est en train de charger. Ah, ouais, ouais, vas-y. Voilà, c'est vas-y, mieux là. Vas-y. Hésite pas à faire ça à l'antenne. Hein, ça 10 minutes qu'il attend, il attend de se mettre à l'antenne. Il est au calme. Ah, parce que là, je suis à Rouen et du coup, c'est un peu. Ah, ouais, Rouen, ça, c'est une zone de non-droit. Non, ça va ou quoi? Salut d'ailleurs, les Rouennais, gros bisous. Hein. Salut, ouais. On embrasse tout le monde à Rouen. On était venu à Rouen d'ailleurs, juste avant l'été, avec Inve. Ouais. On a fait une émission avec plein d'entre vous. Rigolo. C'était énorme. On avait fait péter les fusées de détresse. Ah oui. Putain, on avait fait n'importe quoi à la fin de l'année. Un dimanche soir. Il y avait un camp de gitans à côté du studio. On était allé les voir le match avec eux dans le camp de gitans. On a trop rigolé. Suisse-France, ouais. On s'en bat les couilles du match. Non, mais le mec il m'a revenu, c'est l'euro. Il nous rappelle des trucs qui n'ont plus d'intérêt. Il y a un pote qui m'a dit si je donne 10 centimes, il me donne 20 centimes, il m'a roulé. Salut à toi. Ouais. J'ai niqué un pote au collège, connement comme d'habitude, quoi. Au lieu que ce soit moi qui ai pris 4 heures de colle, c'est mon pote qui les a pris. Salut à toi. Demain, je pars vivre à Londres. Je pense à vous et je vous aime. Salut Owen, votre Nagasur. Salut Nagasur. Salut. Demain, je passe le code. Je suis un peu en stress aussi. Bon courage pour le code alors. Qu'est-ce que tu venais raconter, mon Fred? Alors voilà, moi c'est, je me suis pas fait arnaquer, mais j'ai arnaqué un petit peu en fait. C'est vrai? Je travaillais, je vais le dire de toute façon parce que c'est des enfoirés, je travaillais. Non, respecte les gens mec. Ah je t'ai coupé mon frère, on t'entend plus. Voilà, je te remets à l'antenne, t'as pas le droit de dire de marque, on t'a dit en plus de pas dire de marque. Ah bon? Ouais, ouais. Même si tu les aimes pas, on dit pas. On dit pas, parce que si tu me dis c'est un enfant avec une marque, j'ai 4 secondes pour te mettre hors antenne, c'est la loi. Ouais. Ouais. Non, mais c'est pas une vanne, hein, je te jure, c'est vrai, c'est en vrai, plus. Hein. Sinon, je prends une amende du CSA et tout. Donc, si tu veux raconter ton histoire, tu la racontes sans dire le nom, quoi. Ouais, ouais, voilà. Ok? Ok, ça marche. Vas-y, raconte alors. Donc, je travaillais à un endroit. Ouais. J'étais commercial. Ouais. Et mon but, c'était de vendre des fenêtres, d'isolation. Et tout le Bataclan, quoi. Oui. Et donc, du coup, bah, un coup, je m'en rappellerai, j'étais en formation dans un centre commercial, dans la galerie, il y a une petite dame qui est venue nous voir, elle me dit, excusez-moi, vous êtes venu il y a 3 mois monter des fenêtres, et j'ai un souci avec une grange. Mon collègue, mon formateur dit, ok, pas de souci, madame, on va passer. Donc, on y va. Et le problème, c'est que lui, je le vois sortir un bon de commande. Et au lieu de remplir un bon de garantie, il a rempli un bon de commande. Il a dit, madame, s'il vous plaît, signez pour que la garantie fonctionne. Et puis, elle a signé. Et, là, et après ? Ah bah, du coup, le maîtreur, il est passé 15 jours après. Alors que, du coup, on lui a fait signer 3 fenêtres pour 7000 euros. Alors que, voilà, il n'y avait pas de fenêtre. Il fallait juste faire un bon de garantie pour faire marcher la garantie, quoi. Ah, c'est bâtard. Il a payé pour rien, du coup. Mais là, il était obligé de payer, vraiment ? C'est du vol, un peu. Ah bah ouais, parce que le maître, elle est passée 3 semaines après, et puis je crois qu'elle avait 15 jours pour se rétracter. Ah, c'est bâtard. Elle savait pas, la dame. Il y en a plein qui doivent faire des arnaques comme ça. Et c'est dingue, quoi. Voilà, du coup, moi, vous avez pas honte quand vous faites ça, quoi. C'est vrai, oh là là. Ah bah ouais, moi après j'ai arrêté. J'ai resté quoi, 3 mois, j'ai arrêté. Et là, maintenant je suis chauffeur livreur, et puis voilà, ça m'a dégoûté du métier, quoi. C'est vrai. Bah après, il n'y a pas que des arnaqueurs du tout, hein, mais c'est un mauvais truc que t'as fait. En fait, t'es tombé. Bon, quand on sort du lycée puis on commence comme ça, ça nous donne plus envie de continuer, quoi. Ouais, ouais. T'es découragé. Putain, c'est ouf. Et, ouais. Et en plus, les mamies, il y en a qui ont pas du tout d'argent et tout, c'est un peu bâtard, quoi. En plus, moi, les mamies, vraiment, je les défends, j'adore ça. Les vieilles personnes, tu fais pas ça. Ah ouais. À personne. Mais... Et toi, t'avais honte quand t'as rêvé, genre, avec... parce que toi, tu savais qu'ils faisaient ça. Ah bah, moi, non. Moi, je savais pas qu'on était parti pour faire un bon de commande. C'est quand j'ai compris que je me suis dit, putain, merde. Ouais. J'ai rien dit, j'étais là, j'étais en formation, ça me ramenait un peu d'oseille, quoi. Ouais, putain, c'est ouf. Je suis pompier, on vient de décaler énergie dans l'ambulance, histoire de passer un bon moment avec vous pendant le trajet. Ah, merci beaucoup. Merci, ouais. Ah, c'est gentil, merci les mecs. On s'est fait avoir tous par ce connard qui te pique les stylos en classe et qui fait semblant que c'est pas lui. Salut, ah, il y a pire, ça. On se raconte les fois qu'on vous a niqué. Je vous écoute de Tchétchénie avec la web radio, je vous kiffe, la famille. Ouais. Salut les gars. Salut. Oui, moi je suis monté dans la voiture d'un mec qui me disait qu'il avait des bonbons. Salut Loïc, une fois. Un gars a cambriolé mon camping-car dans la rue. On a entendu l'alarme, on a rappliqué sans s'en rendre compte. On a croisé le gars dans la rue qui sortait de notre camping-car. Putain, tu l'as pas vu avant. C'est quoi ta réaction là? Oh là là. Salut Guillaume, c'est Momo. C'est Momo, dis-moi un conseil. Je vais me tarif. Je vais me marier, pardon. Dans 3 mois, je stresse. Julia, c'est mon ex. Salut lol, salut à toi. Putain, tu vas te marier dans 3 mois, frérot. Bah, bon courage. Content de vous entendre à nouveau et bienvenue à Julia. Salut Freddy. Là. Salut, salut. Venez poser des questions à Julia, tiens, qui est avec nous. On se raconte un petit peu les arnaques comme toi, Fred, hein, qui a arnaqué une mamie pour 7000 euros. Mais genre, c'était tout le temps que vous arnaquiez des gens ou c'était vraiment exceptionnel? C'était la plus grosse arnaque que j'ai vue en 3 mois. Bah, après, de toute façon, c'était un peu d'arnaque parce que. Alors on allait, on faisait notre speech, on faisait une remise de moins 20%, en fait, on a faisait style d'appeler notre directeur, mais on a appelé un collègue en disant, voilà, si on met le dossier dans la foire, est-ce qu'on peut faire une remise? Enfin, après, mais ça, on n'est pas les seuls, je pense. Ouais, et après, tu sais, genre, t'avais quelqu'un, oui, c'est bon, il est d'accord pour faire 20%. Ouais, voilà. C'est des combines, quoi. Oh là là. Après, c'est horrible. Mais la boîte, aujourd'hui, elle n'existe plus, hein, de toute façon. Ouais, les mecs ils sont partis au Panama avec l'autre. Alors ils sont en prison. Je sais pas où ils sont partis. Putain, c'est dingue, hein, ce genre d'histoire là. Ah ouais. On se raconte un petit peu toutes les histoires. Est-ce que vous avez déjà fait avoir aussi? Il y avait juste. Tu m'entends, Flora, 22 ans à Paris. Ouais, salut les gars. Ça va quoi? Salut Flora. Salut Flora. La photo. Bonsoir, ça va tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Ouais, t'es déjà passé à la radio ou jamais, toi, Flora? Non, c'est la première fois. Je suis trop contente. Mais c'est quoi cette petite voix de fraîcheur là? C'est gentil, ça. Tu peux m'ajouter sur Facebook, si tu veux. Je te la guiche. Non, mais toi, t'es une couille, toi. Ouais. T'es trop à l'aise, toi. Toi, tu travailles pour le MOUF, toi. Un envoyé spécial. Toi, tu veux me niquer, toi. Pas du tout. Ah, toi, c'est un piège. Je suis sur Julia, la nouvelle. Ah, ouais. T'es sûr, tu fais quoi dans la vie, Flora, là? Je suis vendeuse. Vendeuse en quoi? Les vêtements, mais j'ai besoin d'entendre qu'il fallait pas dire la marque. Ah ouais, non, c'est si tu chies sur la marque. Tu peux le dire, hein. Parce que non, on va te poser la question. Ah ouais, pour quel magasin pour quelle marque tu bosses chez Flora? J'ai le droit, ok, je bosse chez Zara. Chez Zara, ah énorme. Où ça? Mais vas-y, tu vas venir me voir ou quoi? Bah Zara, c'est juste pour savoir si j'aime crédible. Le standard, voir si t'es voilà. Mytho ou pas. Voilà. Zara, c'est à Paris, à Paris. Ouais. Quel de Paris? Quel arrêt de métro? Quel arrêt de métro? Voilà. On les connaît tous, les Zara, ça reste. Ok, métro Georges V. Il y a des E tout le temps, hein. Ah ouais, il y a des E tout le temps. Hein. Georges V, un Zara. Ouais, ouais. Bah si, il y en a un, Georges V. Ouais, enfin, ouais, c'est les Champs-Élysées, Georges V. Ah, c'est les Champs-Élysées après ça. C'est moi qui appelle pour poser une question, c'est à vous de me poser une question. Elle est agressive, Guillaume. Non, mais attends. Toi, t'es déjà passé ta voix et me dit un truc, Flora. Ah ouais? Non, mais j'étais sûre que je suis totalement nouvelle. Mais bon, si du coup, t'as une place pour une autre stagiaire, je suis là. C'est combien de temps que tu connais l'émission, toi, chère Flora? C'est quoi cet interrogatoire? Ça fait longtemps que je vous écoute. Bah non, mais c'est pas une interrogatoire, on discute. Ah ouais. Excuse-moi, j'anime cette émission, j'ai quand même le droit de poser la question. Ok. Depuis combien de temps tu nous écoutes? Tous ceux qui passent, leur demandent s'ils ont un mec, s'ils sortent avec quelqu'un. C'est pas un interrogatoire, c'est un échange. Bah non, c'est une discussion amicale. Ok, avec plaisir, ça fait 6 mois que je vous écoute. Ah, peut-être un an même. Oh, c'est bon. Oh, ça double. Ça va être 2 ans. Elle a mis 2 fois la dose. Ah, c'est bon. Ça me passe des choses en un an. Toi, tu habites où, Flora? À Paris. À Paris, d'accord, ok. T'es où à Paris? Ouais. Dans le 20e. Dans le 20e? Ouais. T'as failli dire dans le 21e, j'avais pas. On a tous entendu. Le 21e. Quel métro dans le 20e? Mais tu poses trop de questions. Ah, t'es cramé, je te dis. Je sais pas qui t'es, mais toi ta voix me dit un truc. Toi, tu veux me ken, je sens que tu me ken. Ouais. Toi, tu cherches le buzz. Non, t'es de quel arrêt de métro, Flora? En vrai? Je viens de te le dire. Non, t'as pas dit. À Gambetta. À Gambetta, c'est dans le 20e. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Elle a cherché sur Google. Je sens que, ouais, bien sûr. Bien sûr. Eh oui. Bon, en tout cas, tu voulais poser une question à Julia pour la connaître un petit peu mieux? Exactement. Alors, déjà, je voulais dire à Julia que c'est pas facile d'être une fille au milieu de tous les mecs. Ouais. J'espère pour elle qu'elle est assez drôle, elle a assez de prestance. Et c'est pour ça que je voulais lui poser une question. Est-ce que tu peux nous faire une blague? Comme ça, on va voir tout de suite si elle est assez drôle. Ça, c'est vache. Ça, c'est un truc de pute. Ah ouais, c'est très dur. Ah ouais, le truc de FDP, level 12. Non, mais on pose des questions, on fait un petit bizutage. Ah ouais, non, bah une blague, c'est forcément ripou. Ah ouais, ah bah là, c'est forcément ouais. Pourri, t'arrives. Sans préparer, sans Julia, rien. Julia, t'as une vanne ou pas? Oui, j'ai une petite vanne. Ah, mais attention. Non, attends, c'est la radio. Hein. Oui. Un truc soft, hein. Vas-y. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est Monsieur Crocodile qui voit Madame Crocodile et qu'est-ce qu'il fait? Il accoste. Allez, c'est pourri quoi. Ah oui, mais très difficile. Non, mais elle l'a faite encore. Elle a osé, elle a osé. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bravo, tu m'as fait rire en plus. Ah bah voilà. Bravo, non, mais t'es une vraie meuf, Flora, ou genre t'es une fake, t'es une connerie? Non, un robot. En vrai, je suis un mec. Ouais, non, mais ça, j'ai compris, t'étais une vraie gonzesse, pas enfin. On t'a pas demandé de faire de blagues par contre. En plus. Non, mais t'as une jolie voix en plus, ouais, Flora. C'est vrai, merci. Ah, c'est vrai. Tu ressembles à quelque chose ou ça va pas du tout avec la voix, genre? Je suis très très belle. C'est vrai? Elle se la raconte. Ouais, je te Non, mais c'est genre de gonzesse. Ah, c'est chiant, c'est bon. Non, mais alors ça, non, c'est genre rigole, de. Non, mais tu me lances. Je réponds, c'est normal. Et tu fais quoi, Zara, exactement? Bah, je vends des vêtements. Ah, c'est bien. À la caisse. T'as la caisse? Donc, si on vient demain, à Zara, ouais. On peut te voir. Mais t'es sur lequel alors? Parce qu'il y en a plusieurs, genre le 5. Non, mais. Celui d'en haut. Celui d'en haut? D'en haut? Bah, enfin, celui d'en haut sur les champs, quoi. Bon. Non, parce que nous on travaille pas très loin, donc on pourrait peut-être venir te voir un midi si c'est vrai. Si c'est vrai. Tu ressembles à quoi, genre t'as une coupe de cheveux genre un peu chelou? Non mais non, j'ai une coupe de cheveux normale. Ouais, c'est blonde. Vrai. Ouais, t'es blonde, ouais. Ouais. Lui faites pas trop peur tout de suite à Julia mort de rire. Salut à toi là. Je me suis fait avoir Gaël et même monsieur énorme. Salut les gars. Salut l'équipe. Elle sort d'où cette fille? Je suis trop chelou, Cédric du 53. Salut. Bah écoute, je sais pas, tu viens d'appeler au standard Flo des cadeaux, c'est toi qui viens d'apprendre. Ah oui, complètement. Elle a envoyé un SMS et je l'ai rappelé. D'accord, ok. Putain, bah écoute, c'est gentil. Ah, c'est vraiment merci, gentil, Flora. Écoute, tranquille. Un mec, t'es célibataire, t'es comment toi d'ailleurs? Je suis célibataire. T'es célibataire, t'es hétérosexuel, bisexuel, gay, t'es quoi? Je suis hétérosexuel. Hétérosexuel. Ouais, ouais. Et tu cherches un peu là du coup? Très bien. Non, bah je cherche rien du tout. Laisse-la tranquille. Je demande, c'est une question. Ça va, j'appelle pour demander une blague à Julien. On me dit que je cherche un mec. Non, c'est vrai. Non, je suis complètement c'est un raccourci. J'ai un stagiaire. Déjà, je vais à Zara avec un bouquet de fleurs, je m'excuse. Il a un gros problème, j'ai un stagiaire parce que. Ok, je t'attends avec le bouquet de fleurs demain. Parce que. Est-ce que ça fait 5 ans que quand même, j'ai un stagiaire n'a pas Ken? Ah si, alors attends, il paraît qu'il a une annonce à nous faire. Solennel, ouais. Ça fait 5 ans. Alors attends, j'ai un stagiaire. Tu attends. J'ai envie de le dire, mais depuis hier, je me tais. Je vais mettre un petit musique. Je vais essayer. Ça fait 5 ans qu'il a pas niqué. L'allocution. Il a le droit à avoir une musique comme ça. Ouais. Je vais essayer. Que s'est-il passé dans ton été? Bah, j'ai passé monter, tranquille. J'ai passé un très bel été. Je suis parti en vacances dans le sud de la France, Aix-en-Provence. J'ai fait Ramatuelle. Je suis allé voir mon papa en Alsace, j'ai fait un parc d'attractions en Allemagne et pendant le mois de vacances, j'ai rencontré une fille. Ah, on se connaissait déjà avec cette fille-là, je suis allé la voir, on s'est vu trois fois je suis allé boire un verre avec elle. Et le truc, c'est qu'au bout de la quatrième fois, bah, on s'est pécho et après, on s'est vu et on a fait l'amour, voilà. Excusez-moi, on fait une champagne. Pause. On fait une pause. Non, excusez-moi, faut vraiment faire une pause. Attends. C'est quoi le vraiment faire une hashtag. Pause. Attends. Arrête, ça va me gêner. J'ai un stagiaire à Ken. Arrête, Julien, le stagiaire à Ken. Voilà. Voilà, Julien, le stagiaire à Ken. On va te mettre en TT, j'ai un stagiaire. Ah bah oui. Ouais. Allez-y, hein, allez voir. Je viens de le mettre sur mon Twitter, là, Guillaume Play, PLEY. Et vous mettez Julien, le stagiaire à KEN. Voilà. Chez Ken. J'ai un stagiaire à Ken. Normal. En top tweet, absolument. Ça fait 5 ans qu'on l'attendait. Ah ouais. Attends, j'ai galéré. 5 ans de galère. Tu vas nous raconter qui c'est. Moi, je veux la photo. Je veux ah, bah oui. Ah, si, on l'invite. Allez, on fout. Putain, allez-y. Alors, y a félicitations. Merci. Stagiaire. Bah, il était temps, franchement, 5 ans. Il s'est enfin fait sodo par sa meuf. Non, mais c'est pas. Salut, Guillaume. Énorme. J'ai la même voix, Guillaume. Je suis déjà passé. Bonne émission. J'attends le jeu. Salut, Zaina. Gros bisous. On fait les pervers salut. Juste après. Ouais. Quand je vous entends, c'est que l'été est fini. Content de vous entendre. Merci, mon salut de 53. Salut. J'ai un stagiaire au but de dire que la fille s'appelait Robert qui a besoin de s'asseoir. Non, non, non. Bah, félicitations, j'ai un stagiaire. Merci, Guillaume. Merci. Bien joué. Ça fait plaisir. Pensez à vous en plus. C'est-à-dire. À l'émission, j'ai pensé à ça. J'ai dit, ça fait quand même 5 ans et je vais en parler à la rentrée. Ouais. Est-ce que quand tu as joué, tu as pensé à la rentrée? Je sentais que ça allait le faire avec elle. Eh ben, j'ai pensé à l'émission, je me suis dit, c'est bon. Ah putain. Je l'ai fait, quoi. Il y a un soulagement. Alors, je veux vraiment le. J'ai un stagiaire à Ken en top tweet, hein. C'est pas une blague. J'ai un stagiaire à Ken. Bah oui, la Ken. Allez-y maintenant, alors immédiatement. On compte sur vous. Alors là, on perd plus une seconde. J'ai un stagiaire à Ken. Ah bah voilà, je vois que j'ai déjà été retweeté 123 francs 18 secondes. Ça va être repris partout. Voilà, je veux vraiment que ça arrive en top. Faut qu'on dépasse. On soit premier. Voilà, vraiment. J'ai un stagiaire à Ken. Ouais. Vraiment que ça arrive. Quand je vous entends, c'est que l'été est fini. Bisous. Je vous aime. Bérénice. Gros bisous, Bérénice. Salut, bisous. Énorme. Et alors, donc, ta Ken. Alors vas-y, tu veux raconter un petit peu en détail ou bah si tu veux, bah, vas-y à peu près. Hein. Bah, le premier soir en fait. Excusez-moi, juste j'explique, j'ai un stagiaire qui est avec nous depuis 5 ans. Ouais. Et ça fait 5 ans qu'il n'avait pas eu de copine, etc. Et donc là c'est vraiment un événement que nous attendions limite, comme un enfant d'éléphant. Ah bah oui, ah bah, ça fait 5 ans que j'ai stagiaire. Ah bah ouais. C'est vraiment. On va faire la une là. Et donc ça y est, première fois depuis 5 ans. Et ouais, voilà, ça a fait du bien. Bah ça a fait du bien au début, j'ai un peu bugué quand même. T'as stressé genre. Ah trop franchement. En plus j'avais un peu bu. Et elle un petit peu aussi. Et j'ai commencé un peu à la chauffer dans le bar où on était. Et elle a dit tranquille, on va chez moi. Et là quand elle m'a dit ça, bon pour moi c'était gagné, tu vois. Ouais. Donc on va chez elle. Et là que tu stresses, tu dis oh, putain. Et là franchement et du coup pas de capote forcément. Même j'en ai chez moi, mais j'en ai pas dans la poche. Ah. Donc j'ai dû m'arrêter à la pharmacie. Ah. Bah, c'est bien. Distributeur. Oui, bah oui. J'ai pas de monnaie, donc forcément celle qui me les a payés. Ah, bon, moi, au bout de 5 ans, je peux le faire sans capote quand même. Au bout de 5 ans, je serais prêt à baiser un arbre. Non, parce que sans capote, non, c'est pour rien. Deux secondes, maladie et tout. Et du coup, on allait chez elle, on a rebu un verre. Il a dû en mettre partout au bout de 5 ans. Non, mais franchement, j'ai pris mon temps, je suis allé doucement. Pas comme un bourrin, parce que comme un bourrin, j'aurais lâché le truc direct. Non, mais moi, c'est un vrai truc qui me fait peur. Mais c'était pas bien. Je me dis, si un jour, pendant 5 ans, je nique plus, je pense que le jour où je refais l'amour, je jouis. Non, mais franchement, en vrai, c'était nul. C'était nul. C'était nul ? Non, c'était nul, franchement. Non. Parce que la première fois, je sais pas. Et l'émotion. Ouais, le lendemain matin, en fait, j'ai dormi avec elle. Direct. Mais le soir, t'as juté direct, genre ? Non, j'ai mis quoi ? Un petit quart d'heure ? Ah oui, j'ai pris mon temps, franchement. Je suis pas allé comme un bourrin, mais j'ai pas trop apprécié, en fait. Mais elles n'ont posez des questions sur Twitter, hashtag Julien Stagiaire à Ken. Ah ouais. Avec votre question, genre, est-ce que ça fait mal à votre ceinture? Bah non, pourquoi? Il s'est enfin fait bourrin, Julien Stagiaire. Pas du tout, pas vous du tout. Combien moi je dis, on a un crochet libre pour fêter ça, il était temps. Bah si, on fait une soirée, ouais. Ah ouais, putain, faudrait faire une pendaison de. Une pendaison de prépuce, quoi. Hashtag Julien Stagiaire à Ken, si vous voulez mettre, là. Ouais. Ah oui, t'as Ken avec une meuf bourrée, bravo, quoi, ça compte. Non, elle était joyeuse, on n'était pas bourrée. Ouais. Mais elle avait bu un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais, comme moi. Ouais, très bien. S'est pris des petits verres et après. Et elle était t'es jolie ou pas? Bah franchement, je pensais pas l'avoir. Parce ah c'est vrai. Ah franchement, pour moi c'est un bon niveau, tu vois. Parce qu'il y a la fois qu'il nous a raconté une histoire, c'était il y a 5 ans, c'est une histoire de cul. Apparemment c'est un trombon, genre vraiment. C'est là c'est top 3 physiquement des meufs que j'ai pu avoir. Bravo. Ah c'est vrai. Ouais, franchement je suis fier de moi. C'est pour ça on s'est vu 3 fois, j'ai pas pu l'avoir. Et au bout de la 4e fois, je sais pas si elle l'a fait pour me faire plaisir ou quoi, mais après on s'est un peu revu quand même. C'est quoi, c'est genre une histoire de vacances où tu vas pouvoir un petit peu la revoir? Non, en fait on se connaissait avant. C'est une question qui vient d'arriver, ouais. Hein, sur Twitter je vois hashtag Julien Stagiaire et Ken. On se connaissait un petit peu avant, on s'était vu avec des amis, en fait on s'est échangé des SMS et puis on pendant les vacances j'ai un peu. Ah ça s'est fait un peu, ouais, une sorte d'amour de vacances. Elle avait un mec avant en fait et puis là elle s'est séparée il y a pas longtemps donc forcément j'y suis allé. T'en as profité quoi. Voilà, je suis là. T'es rentré pas que dans la brèche quoi. Non. J'ai ce qui vient d'arriver. Ouloulou, il a payé, il a niqué. C'est qui a payé les capotes? Bah c'est elle. Ah voilà, c'est bien. Dit, elle m'a avancé l'os. Enfin, elle m'a avancé non. Et les verres, tu lui as payé un verre quand même quand tu le. Même pas, on a fait 50-50. Non, c'est vrai. Ouais. Non mais ce mec, il a vraiment un vrai problème d'argent. Et c'est pas du tout une blague. Non, mais après ça va. Qui plus vous que la finale en 98. On avait moins de chances que Giannick que la France gagne à la Coupe du Monde. On a perdu. Il dit qu'il a bien un verre, il a cassé la bouteille sur la tête pour la sauver quand il a fait. Ah non, mais il y avait une bouteille, mais non, j'ai pas fait ça. Oui, la Ken, le mec de Barbie, c'est juste. Non, ouais, j'ai Ken. Je savais pas que ça arriverait, j'y croyais plus. Voilà. Ah, il fallait bien un moment. Je vais stagiaire à Ken, putain, champagne. Merci, merci. Ouais. Champagne, po, je suis sûr, il a pété pendant. Je savais pas que ça arriverait. Il y a que des messages à la con. Moi, je vais stagiaire, mais c'est gênant. Il vient de niquer, ça fait 5 ans qu'il attendait. Oh. J'ai dormi avec elle. Il a pénétré, il a fait. Il est où le bonheur ? Non, mais la sensation, c'est. On oublie, hein. Enfin, à chaque fois qu'on même les préliminaires. Fille, à chaque fois que je rentre dans une vie, je me dis putain, c'est quand même pas désagréable. Ouais, tout franchement, on est bien, d'accord. Hein. Quand tu vois une fille à poil et tout, c'est trop bien. Il y a personne qui a réagi sur j'ai le standard qui vient des bien au chaud quoi. Même mon oncle le plus sale et le plus bourré n'avait pas ça encore. Elle était d'accord la fille, ouais. Oh, bah. J'étais chez elle, donc oui, elle est d'accord. Ah là là. J'ai pas forcé, franchement. Salut les gars, je viens de revenir, j'aimerais comprendre. Ben, salut à toi, cet après-midi dans Fort Boyard, ils ont mangé, ils ont fait manger Evangélie et Thierry. Ah, salut, gros bisous. Ouais, salut. La fille, c'est Bernie. Salut Eric Mu de Chéri FM. Salut Eric Mu. Salut Eric Mu. Émission spéciale pour le plan QHG Stagiaire, faudrait faire une émission de 5 heures. Ah oui. Ouais, si tu veux. Ah, oui. J'espère qu'il a noté la date, ça va être un peu son jour férié à lui. Salut Kev. Rendez-vous dans le 5 ans, hein. Ah, ouais. Non. C'était quel jour, tu te rappelles ou pas? Bah c'était, on était en vacances, c'était la semaine après l'Euro. Parce qu'on parlait du foot avec elle, donc forcément c'était normal. C'était pour... Oui, bah, parce qu'elle aime le foot. Comme ça qu'il a abordé la meuf. Oui, bah ouais. Non, on se connaissait, elle aime le sport et tout. Donc, Allez-y, hein, faites-moi monter un top tweet France, là je le veux vraiment. Mais je vais partout, la revoir Belgique en plus. Hein, c'est et Suisse, hein, allez-y, hashtag Julien, le stagiaire à Ken en un mot. Et je lâche pas la fille. Hein. K-E-N, voilà, ouais. Enfin. C'est qui le papa Mordor? Bravo, Julien Stagiaire, il faut sortir champagne. Merci. C'est l'événement de l'année, Mordorier. Bah l'événement. On est en TT8, salut déjà. Bah salut les gars, merci beaucoup. C'est devant Pokémon en top tweet, c'est bien. Ah, c'est bien. Bah ouais. Les lampadaires sont fiers de lui, j'ai pas compris. Ah, je sais pas. T'as mis combien d'argent pour niquer la meuf? Il y a pas d'argent, il a pas payé, c'est bien. Non, j'ai pas payé. Mec, 5 ans à ta place, j'aurais craqué. Est-ce qu'elle a fait un P vaginal? Salut à toi. Elle le sait pas, la fille, hein, pour les 5 ça ans. Ça fait comment de baiser un trans? Ah, ouais. Elle écoute. Merci pour tous les messages intéressants qui arrivent sur le standard. Si elle écoute, c'est la mère par contre. Et non, mais c'est très bien, écoute, on l'embrasse. Hein. On l'embrasse. T'as pas moyen de la revoir après? Ah, si, si, justement, on se textade. Ah, si, bah si. Ah, il lâche plus le dos. Ah, bah là, franchement. Elle a lâché toute la nuit. Non, mais je suis bien. Je sais pas dans quel plan elle est tombée. Non, un petit message le matin. Alors, ça, c'est une bonne question. Bonjour, mon réveil. Non, mais je viens de me poser une question. Ouais. Est-ce que tu lui as dit que ça fait 5 ans que t'avais paniqué? Bah, justement, non, si elle écoute l'émission, c'est la merde pour moi. Parce que je lui ai dit qu'il y avait une meuf il y a pas longtemps. Ah, t'as fait ça. J'allais pas dire ça fait 5 ans, je passe pour un con, non? Ça peut freiner. Ouais, attends, la fiche, ouais, ça peut freiner. Ouais. Ça fait déjà le mec bizarre. Parce que tu peux te dire, alors que parfois il y a des mecs qui sont pas du tout bizarres et qui ont juste pas envie. Ouais. Mais ça peut faire le mec qui a un vice qui veut pas le dire. Ou ouais, qui aime. Après, je pense que j'ai un peu géré quand même avec elle au lit. Après, tu peux aussi très bien rester 5 ou 109 et être normal. Hein. Ouais. Et donc, t'as l'impression d'avoir été normal. Ça s'est pas senti, je pense. Elle me l'a pas dit. Ouais. Après, j'ai déjà fait longtemps. Voilà. Elle a crié un peu ou pas du tout? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Après, gentil. Hein. Ouais. Elle était chez elle, donc forcément, j'ai pas si elle s'est retenue. Elle a éternué, quoi. Genre, non, mais elle a fait des petits bruits, des petits. Voilà, c'était bien. JM du Standard, les vacances, il y en a un qui dit les vacances de JM du Standard alors. Franchement, c'était le top. Franchement, c'était bien, je me suis amusé. Ah, c'est vrai, ouais. Ah, j'ai fait un peu carnage, c'était bien, ouais. J'ai fait un peu carnage. Ça fait peur, là. J'ai fait carnage. C'est-à-dire? Bah, un peu n'importe quoi, à droite, à gauche, quoi, voilà. Avec des potes, ouais, ouais. Putain, mais il veut juste dire qu'il a niqué. Non, justement, ça me fait rigoler, ce mec est fou. Non, justement. Et ouais, il veut juste carnage. À droite, à gauche. Il attend que je lui demande, hein, ça, c'est sacré. Non. Il se la raconte. Mais dis-le-moi directement. Non, en plus, non. T'as pêché des filles? Vite fait. Ah, oh là là. C'était plus des trucs. C'est pas carnage alors, ouais. C'était des plans d'un soir, quoi. Voilà, ouais, on va dire ça. Ouais. Et alors, c'était bien quand même? Ouais, un peu déçu. C'est vrai? Certaines. Pourquoi? Ouais. Bah, je sais pas. Elle faisait trop en fait les filles qui avaient vraiment envie, tu vois. Ouais. Et au final. Ah, c'est vrai? Ah là là. Ça y allait pas, quoi. Ah, pendant l'amour? Ouais, ouais. Ah, mais t'as couché avec quand même? Ouais, un peu. T'as couché combien de filles cet été? Deux. Ouais, ça va. Ouais, bah, c'est bien, bah, ouais. C'est bien déjà. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien déjà. Non, alors, doublé, quoi. On va parler un petit peu des vacances. On va retrouver. Alors, il y a Léa, tu bouges pas, Léa, tu bouges pas, Paul. Il y a des questions partout. Vous m'entendez? Tu m'entends, Paul? Tu m'entends, Julien? Léa? Tu m'entends? Oui. Tu m'entends, Jean? Oui, allô? Ah, il y a du monde de partout. Bougez pas, les potos, je vous prends. Il y a 30 secondes de pub. Jean de Porto Vecchio, il voulait raconter un truc en Corse juste après Julia. Léa et Paul qui ont des questions pour Julia et Cyril aussi. Plein de questions marrantes. Et puis on se fait juste après les pervers sur Énergie. Écoutez Énergie et plus de 150 web radios. Tous les hits, tous les styles. En illimité sur mobile. Avec l'application gratuite Énergie pour smartphone et tablette. Énergie. It's music only. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu un héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises, hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs? Ou bien carrément, on change de jean? Bref. Caro se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue vu que pour l'instant, elle s'habille. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Story, je me marie, du lundi au vendredi à 19h45 sur Énergie 12. Quatre futurs mariés ont décidé de mettre en compétition leur enterrement de vie de jeune fille. Elles ne se connaissent pas, mais ce jour-là, elles ont accepté de se faire noter par les autres. Surprise et confidence, elles sont loin de se douter que leur futur mari les observe aussi. Avant le jour J, tout est permis. Enfin, presque. Story, je me marie, du lundi au vendredi à 19h45 sur Énergie 12. Les deux meilleures heures de la journée. De 22h à minuit, du dimanche au jeudi, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez sur Énergie, bonne nuit les mecs. Julien stagiaire à Ken, c'est le top tweet. Voilà, c'est fait. C'est le hashtag de ce soir. Hashtag Julien, le stagiaire à Ken. A-K-E-N, voilà. Si vous voulez le mettre, on va essayer de le faire monter en top tweet France. Hein, c'est vraiment l'objectif. C'est pas qu'on arrive numéro 2, c'est qu'on arrive numéro 1. Ah bah Julien stagiaire à Ken en numéro 1. Ça faut fait 5 ans qu'on attend la place. Mmh. Ça fait 5 ans qu'on attend le coup que vous partez. Ah, ça fait du bien. Voilà, c'est pas pour autre chose. Donc vraiment, faut le faire. Voilà, on est 6ème déjà. Pardon. Merci beaucoup. Mais on peut être premier. Donc voilà, hashtag Julien stagiaire à Ken immédiatement. Et puis voilà, on s'en verra. Verra ravi. Alors juste on se fait les pervers dans deux minutes sur Énergie. On va se faire Major Lazer, on va se faire Alvaro Soler. On se l'est pas fait Alvaro Soler. Non, pas encore. Avec Sofia, on se le cale maintenant. Ça va Guigui de la régie là-bas? Ouais, ça va, ça va. Ça va bien. T'as passé de bonnes vacances d'été? Très très bonne. T'as trouvé des trucs un peu marrants sur internet? Ouais, là on est pas mal. Et ben on va les écouter. Tu vois, à chaque fois ils trouvent trois sons un peu rigolos, on les écoute juste après, on se fait les pervers. Je me fais passer pour une femme, on chauffe des hommes sur internet. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo. alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, eo. Solo te veo, solo te deseo, eo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que soy. Les cerises, les Twix et Guillaume Radio 2.0. Pendant 2h, de 22h à minuit, du dimanche au jeudi sur NRJ. Allez sur NRJ, bonne nuit les gars, Soprano après. Est-ce que c'est pas l'heure de se faire le pervers là, Guillaume du standard? Ah, je crois, Guillaume. Guigui de la régie, tu bouges pas. Non, je vais nous faire écouter 300. Guigui de la régie, c'est lui qui me fait les jingles avec l'ordinateur, il prend les trucs avec tout ça. Il fait. C'est lui qui me trouve. À tous les nouveaux hits, etc. Il va me les chercher, même les morceaux de Jul partout. Je suis resté fidèle au palio. Je suis resté fidèle au palio. Ils ont mis l'œil sur ma galio. Ils ont mis l'œil sur ma galio. Je t'ai rien fait, tu me salio. Je t'ai rien fait, tu me salio. Vu la taille de son sexe, Justin Jean n'a pas dû faire bien mal. Bah, quand même, Ah, je vais me défendre, hein, ça. Il a Ken, ta bite n'était pas moisie. J'ai un stagiaire avec Ken au bout de 5 ans. Ah ouais, je m'entretiens. J'ai un stagiaire avec ses 5 ans sans faire d'amour. Il peut approvisionner un kebab en sauce blanche pendant 10 ans. Mais ouais. T'es le meilleur, surtout Guillaume. Merci, gros bisous. Mathis du 37, voilà, dernier soir. On se couche tard avant la reprise et cela avec vous. Ah bah, c'est gentil, gros. Bonne soirée. Enfin, il est pas tard encore. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a marqué en direct, ils sont chez Chris Brown, la police là. Qu'est-ce qu'il a fait? TMZ report Brown Algeldi, Street Unit, Woman with a Gun. Oh, la gueule, c'est pas bon, ah, ouais. Ils sont avec un. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume du standard? Je crois qu'il y a une fille qui l'accuse de l'avoir pointé avec une arme. Mais et du coup, il y a les flics et tout, en direct de chez Chris Brown. Ah, il est retranché chez lui, encerclé par la police. Et là, exactement. Et là, il y a les hélicos qui filment, j'ai le live. Oh là là, non. Si, si, il y a le live, là, regarde, en direct. Voilà, il y a Fox 10 qui est au-dessus de chez lui. C'est Miss California, la meuf. Qu'est-ce qu'il y a, Flo des cadeaux? Ouais, ouais, apparemment, en fait, il a fait une fête et il a menacé une de ses invitées avec un flingue. Ah, mais il est chaud. Et il y a la police qui encercle sa baraque. Non, mais lui, tu sens qu'il est pas net en vrai. Bah non. Moi, j'adore ce qu'il fait. Musicalement, c'est un tueur et tout. Ouais, bah, c'est un tueur, quoi. Ouais. Tu sens que le mec, quand même, ouais, il vrille tous. Parce que tous les mois, tous les jours où il se réveille, il gagne des millions. Et qu'à un moment donné, le mec, il arrive, il a 14 ans, il a plus aucune. Ouais, mais le mec, il a tout. Il fait de la musique, il doit avoir des trucs. Justement, il doit faire des. T'as vu ce qui s'est passé? Leonardo DiCaprio, il a fait des orgies. Ouais. Ils ont cramé 100 millions d'euros dans des orgies à Vegas. Non, mais c'est de toute planète. Avec un mec qui a volé les sous de la Malaisie. L'assistant du président, il a volé 3,5 milliards. Il a donné 100 millions à DiCaprio pour réaliser le film Le Loup de Wall Street. Ouais, voilà. Et c'est devenu son meilleur pote. Et ils ont cramé 100 autres millions dans des. Alors, ils ont cramé 11 millions d'euros en une semaine dans des casinos. Mais à quel moment tu crames l'argent? À quel moment tu vas pas voir une œuvre caritative? Lui qui fait genre, je suis pour la planète. Il en a donné en plus. Il en donne, pas oui, mal. Et il a craqué, oui. Non, mais il a plus de notion d'argent. Vice. Non, mais attends, excuse-moi, Flo des cadeaux. 100 millions d'euros en une semaine. Tu m'expliques la notion d'argent où il en a plus. Non, mais là, c'est même plus. Même chie sur des billets, ils ont recouvert De vous avez vu ce qu'ils ont fait ou pas? Non. En fait, il y a eu l'article qui est sorti aujourd'hui parce qu'il passe en procès là. Le FBI, donc ah bah le oui, FBI, ils mettent au fur et à mesure sur leur site en fait. Et ils ont expliqué que Leonardo DiCaprio un soir, il a acheté 1 million d'euros de champagne de Grand Cru. Combien de bouteilles? Ils ont pas bu une seule gorgée. Ils se sont juste amusés à les vider dans les couloirs de l'hôtel sur les murs. Ah ouais. Ils ont cramé en une soirée. C'est pas de gâchis. 1 million d'euros, c'est n'importe quoi. Tu vois que tu mets 2 vies et demie à les gagner les 1 million d'euros. Personne n'a ça. Deux vies et demie de SMIC. C'est indécent. À cramer en un soir et tout. Et après, il fait genre, ouais, la nature, faut pas gâcher, frérot. T'es en train de vider bouteilles de champagne sur les murs. Ouais. Je l'aime moins. En termes de bonus écologique. Parce que je cherche quand même. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur de vider 1 million d'euros? Ah, mais tu vois ce que je veux dire? Et nulle part. Moi, je prends plus de kiff. Aller voir un mec dans la rue et lui filer 5 000 $ si jamais j'étais milliardaire. Je prends plus de plaisir que de vider un truc sur un mur, mais vraiment. Ah oui, le champagne, au pire, tu le bois. Mec, tu lui fais plaisir, quoi. Bah, bon, 1 million d'euros de champagne. Après, je suis mort, mais bon. Ce sera pas. Bah, voilà. Coma éthylique et tout, là. Et donc. ouais, même plus. C'est vrai. Putain, c'est un truc de fou, quoi. Et donc, ouais, ça s'est passé. Et donc, Chris Brown aussi, qui est encerclé par la police en ce moment. Elle est jolie. Bon, de toute façon, il va se rendre. C'est juste pour faire style, je pense. Ouais, bah oui. Il sait un peu le bad boy. Exactement. Pour son image. On parle de lui. Mais il peut risquer des trucs aussi. Ça peut déraper. Ça peut déraper, non, je crois pas. Au pire, il chante, c'est bon. Mais non. Putain, en plus, ils filment ça, c'est hallucinant. C'est qu'il filme sa maison et tu vois, il y a genre 50 voitures, des Hummer verts, des machins, des trucs. Pff, ça, tu vas se faire serrer. Salut, gros manque, trop du bien de vous entendre. Prends soin de toi, Guillaume. Gros bisous, Amélie. Je t'embrasse très fort, merci. Salut. T'es meilleur, Guillaume. Il a Ken dans le vide du stagiaire. Non, avec une vraie une voix qui fait forte. Merci, gros bisous. Hein. Si jamais tu te sens seul, je veux bien te tenir compagnie. Imagine que tu atteignes pas les 5 ans. Salut, Abby. C'est des malades, Bérénice. Salut à toi. Ouais, c'est quand même hallucinant de se dire 1 million d'euros de champagne sur des murs. Ouais, bah, moi, j'ai même en réfléchissant, ça sert à quoi, quoi? C'est horrible. Non, mais c'est méchant, les métiers d'agression. C'est pas de respect pour les mecs qui nettoient. Ouais, l'hôtel. C'est... Ah, c'est vrai ça. Ouais. Et apparemment, ils ont fait des orgies de ouf. Mais genre, apparemment, ça devait être dingue, quoi. Parce que les meufs, c'est 100 000 d'euros. Qu'est-ce que tu payes, quoi? Ah ouais. Genre, tu te payes. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu te payes un hôtel entier rempli de meufs? Non, mais bah oui, mais ça. Mais c'est chiant au bout d'un moment, faire des pauses. À tous les étages, dans toutes les chambres. Tu dors plus. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est sûr. La femme de chambre, tu la kennes. Ça, c'est ah, tout le monde, tu cannes, tout le monde, au petit déj, tu cannes. La réceptionniste, tu cannes, le mec de sécu, tu cannes. N'importe quoi. Le mec qui met sa bite partout, quoi. C'est ça. Alors, allez-y, on fait monter le pour rigoler en top tweet, là. Hashtag Julien, le stagiaire à Ken KEN. J'ai pas payé, hein. Le stagiaire à Ken. Voilà. On essaie de le faire monter en top tweet ce soir, là. C'est la fête. Quand tu l'as dit, j'étais trop fier de toi, voilà. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Allez-y, hashtag Julien, stagiaire à Ken. On appelle le premier pervers, je me fais passer. Pour une femme, je suis mandarine et je suis chaude et j'ai très envie de faire du sexe. On a mis une petite annonce comme quoi j'avais 18 ans, j'étais une fille qui avait envie de coucher avec des hommes plus vieux, un peu cougar, garçon, quoi. Et je sais que ma cousine. Ah oui Cousine bis. Oui. J'aime ça. Cousine terre. Oui, bonsoir. Cousine terre, je fais des cadeaux. Oui, enchantée. Je crois que je vais inventer des cousines ce soir. Allez, vas-y. On appelle un mec qui s'appelait comment? JM du standard, les chauffe sur des chats de cul, là. Te faire jouir. Ah bah très bien. C'est bon, arrive. C'est parti, on appelle Te faire jouir. Il est 23h05. Exactement. Allez-y. C'est le message me balançant en direct. Et j'ai... Oui. Allô, c'est bien Te faire jouir? Ouais. Ça va? C'est bien toi avec qui j'ai parlé sur le chat de Coco? Je te dérange pas? Non, du tout, ça va. Ça va? T'as une belle voix, dis donc. Merci, bah toi aussi. C'est sympa. T'es sur le chat Coco depuis longtemps? Pas excessivement. Ça fait quelques semaines, là. J'étais venu il y a très longtemps, puis ça m'avait gavé un peu. Toi, t'es à Dunkerque aussi, là? Non, pas la semaine, en fait. D'accord. et ça te dirait qu'on se voit ce week-end sur Dunkerque? Il faut que j'arrive à me libérer, mais pourquoi pas? Tu veux que je te suce? J'adore. Tu veux que j'avale? Je sais pas, t'es où? Ah, j'adore. Tu veux que je prenne sur la gueule? Bon, écoute, il faut que ça te plaise aussi. Ah, j'aime bien. Que le plaisir soit partagé. J'aime bien. Et t'as envie que je te fasse quoi, toi? J'ai envie que tu me la fourres. Ouais. Net et précise bien. Quand j'arrive. Que ce soit une vraie boucherie. Je vais te plaquer contre le mur. Oui. Faire descendre tes vêtements. Oui. Je vais libérer ma bite bien dure. Oui. Là, je vais te la mettre entre les cuisses. Oui. Écoute, ça bien, bien profond. ça te dirait de me baiser? J'ai une cousine qui vient là d'Afrique pendant une semaine. Elle est actuellement, en fait, j'ai une cousine africaine qui est venue d'Afrique pendant une semaine en échange universitaire. Ça te dirait? Bah écoute, ça paraît très tentant. Qu'on vienne à deux, même à trois, parce qu'en fait, je suis avec ma cousine normale, ma cousine, tu vois, et la cousine qui vient en plus d'Afrique. Ça s'appelle Bibi, la cousine. D'accord. Ouais, ça fait beaucoup, trois. J'ai pas de prétention. Attends, je vais d'abord t'appeler ma cousine, je vais te la présenter. Cousine! Ah oui! Ouais, putain, ça fait longtemps, comment ça va? Ouais, tu m'as trop manqué. Oui. Pokémon Go, t'as combien? Moi, je suis à 25, et toi? Ah, moi, je suis à 15. Bon, ça va ou quoi? Ouais. Je te présente Te Faire Jouir de Dunkerque. Coucou, Te Faire Jouir de Dunkerque. Moi, je suis la cousine de ma cousine. Enchantée. Ça va bien? Ouais, moi de même, oui. T'as une voix virile. Ouais. Tu dois avoir un bon paquet. Bah écoute, personne ne fait ça. J'aimerais tremper mon nez dans le paquet. Comme ça. Oui, j'ai pensé cet été. Avec joie. Ok, c'est sûr, je connais. Avec joie, c'est que t'as envie alors. Oui. Oui. On va se donner. Quelle voix intéressante. Tu veux qu'on te présente la cousine africaine? Ouais, allez, pendant qu'on y est. Bibi, viens là. Oui. Bibi. Oui. Viens là. Oui, bonjour. Ça va, je te présente Te Faire Jouir. Bonsoir, Te Faire Jouir. Moi, c'est Bibi, la cousine. D'accord. Je suis là en échange universitaire. Comment vas-tu? Bah, bien, et vous? Ah, très bien. J'attends qu'une chose, que tu me fasses les fesses. Ça peut s'arranger. À nous trois, les belles cousines. Ouais. Je suis aussi avec une autre cousine. Ouais. Attends, Te Faire Jouir. Je suis avec une autre cousine. Je suis avec une cousine d'Amérique latine. Viens là. Je suis sûr que t'as des cousines de partout. Viens là, mémé. Mémé, la cousine. Viens là, bébé. Si. Viens là, je te présente ma cousine d'Amérique latine. Si, c'est moi, la cousine d'Amérique latine. Chiant. Moi, j'aime pas quand tu l'appelles la cousine d'Amérique latine. Oh, dès qu'il se met à parler, il se met à brailler, putain. Ah, mais c'est ça l'Amérique latine. Oh là là, elle m'angoisse. Aïe, aïe. Mais si tu préfères, j'ai aussi une cousine chinoise. Ouais, j'en doute pas. C'est Zizi, la cousine. Zizi, la cousine. Je suis la chouchine de ma cousine. Enchantée. Pardon. J'ai aussi une autre cousine, j'ai une grande famille, moi. J'ai une cousine américaine. Oh. D'accord. Il s'appelle... Rebecca. Non, ça c'est Rustini. Rustini. Yeah. Rustini. Yeah. Viens dire bonjour à Te Faire Jouir. I Te Faire Jouir, je suis Rustini. Enchanté. Oui, c'est ça. Moi de même. I come from America, you know. Dans j'ai une autre cousine. Elle s'appelle... C'est une cousine indienne. Oh, Mochiko, viens là, Mochiko, la cousine. Turu turu tu tai tai tai. Turu turu turu turu turu turu tu tai tai tai. Hello, I am the cousin from Bollywood. Nice to meet you. How are you? La cousine qui parle en morse, ouais. I am from India. India, 12 points. Nous va faire l'Eurovision bientôt. Et vous travaillez toutes pour rire et chanson, c'est ça? Non, on est une grande famille. No, never. J'ai une... J'ai une grande famille parce que je t'ai pas présenté le reste aussi. Oui. Ah, il y a un grand reste, j'imagine. Ouais. Et en fait, attends, je peux te présenter le reste si tu veux. J'ai ma cousine suisse, tu veux que je te présente, cousine suisse? Oui. Cousine suisse? Oui. Viens dire bonjour. Salut, beau gosse. C'est la cousine suisse. C'est la cousine suisse. C'est la cousine suisse. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle a mangé? J'invite à montre. Alors, pétez un câble. Il y a le Pipe Comedy Club. Oui, oui. C'est la Suisse. T'as mis le chocolat. Pardon. j'ai une cousine marocaine aussi. Je t'ai pas présenté ma cousine marocaine. Viens là, Falbala, Falbala. Malakoum Slam, je suis la cousine de ma cousine. Je comme bébé. On va faire le souk ensemble à Marrakech. Chauffe la cousine. Chauffe, chauffe. Chauffe la Fatma. Voilà, j'ai fait un jour un duplex sur Al Jazeera. Ils ont dit que j'étais jolie. J'ai une cousine. Attends, j'ai pas fini. J'ai beaucoup de cousines. Je te présente mes amis ou pas, ma famille? Oh, ouais, ouais, ouais. Je te présente une cousine canadienne. Viens là, cousine canadienne. Ah, oui. Oh. Oh non. Tabarnak. Cousine canadienne. Bonsoir, je viens de Montréal. Comment vas-tu? C'est pas un cousin là plutôt. Cousine, oh, les aigus. Cousin, ouais. Canada de l'Ouest, pardon. C'est une cousine avec des couilles. Du sirop d'érable. Il y a le E de trop dans cousine. Ouais. Attends, j'ai pas fini mon tour du monde. On passe à tout le monde ici. J'ai mon cousin espagnol aussi. Attends, Carlito, le cousin espagnol. Hey ah, Carlita, la cousine. Ah, si viens là, cousine. Coucou, c'est moi. La cousine espagnole. Si, si, hola, que tal, viejo? Comment est-ce que t'as? Bébé, tout. Hola. Mani de la paella. J'ai aussi une cousine portugaise, mucha bene, Babiliane. Je suis du Brésil, tu es portugais, je suis le Mardos, on a gagné l'Europa, je suis le charge. Luis Costa. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Te faire jouir ma cousine Bilbao? Je vais lui faire le nano linguche. Tu connais? Ah, je connais pas, c'est quoi? C'est le fait de lécher les trous de couche. Ah, j'adore. Dans le couche. Oh, j'aimerais vraiment que tu me. Caray! J'ai le. J'ai une très grande famille. Ah oui, ça fait peur. Et j'ai aussi une cousine italienne, la famiglia, c'est la famiglia sacrada. Viens là, Paola. Si. Paola, la cousine. Paola. Si. Viens là, je te présente un ami, c'est te faire jouir. Ah, te faire jouir, ti amo, ma che bello, ama, ragazza, papa, pa. La vanelli, la pizza, la carbonara. Mon Dieu, il y a tous les pays dans le monde, ça fait pas de vie, c'est ça. Ti amo, e amo ti. Sarà perché ti amo, sì. Confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che mi sentiamo piano. Sentimi forte, se li stammi più vicino. Io sì. La mozzarella, la burrata, la burrata, la bufala, la bufala, la normale, la normale e la tortura. Mangez toutes les tomates à vin. Toutes les tomates. Les tomates bœuf. Les tomates bœuf. Les tomates énormes. Les tomates énormes. Les tomates cerises. Les tomates cerises. Les tomates vertes. Les tomates vertes. Et les tomates normales. Et les tomates normales. J'ai bugué, j'ai merdé. Et la bugué, j'ai merdé. Bon, de faire jouir. Et de faire jouir. Oh. Lourde. J'ai pas compris. Mais tu fais de l'asthme. C'est de l'asthme. C'est de l'asthme italien. Tu comprends? Faut vous soigner youtubeur, hein. Vous allez faire des hits. Hein. On n'avait pas pensé, parce qu'en Italie, ma cousine, elle n'a pas YouTube, elle a une autre chose. Non, YouTube. C'est comme YouTube, mais c'est YouTube. C'est que des clips italiens. Voilà. Pas la meilleure, ça. Ah non, mais j'ai essayé de le sauver, j'ai pas réussi. Je me suis noyé, ma mère est brassard. Je suis cool. Oh, une ragazza la mère, Et c'est la cousine turque. Tuzgun, viens là, Tuzgun, la cousine. Si, turque, c'est moi, je viens de Turquie, le côté de la Grèce. Ah, viens, et cousine, oui. T'as envie de lui dire quoi, te faire jouir? J'ai envie de te faire jouir, de te faire l'amour avec toutes mes cousines. On viendra tous dans tes fesses. Oh là là, te fais jouir. Tu m'entends? Mais dis-lui tes spécialités. Ma spécialité, c'est le kebab de cul comme en Turquie. On te fera les couilles en Istanbul. Parle-lui de tes chiottes. Mes chiottes, y a pas de cuvette. On sera tous à t'écarter le cul pour te faire tomber la merde. C'est la Turquie du Sud. Ah, dommage, il n'y a pas l'image. Toilette est différent, la cousine turque elle va pas chier comme nous. Non, c'est pas pareil. Mon Dieu. Et la merde des autres. La merde des autres, c'est pareil, sauf qu'on t'aide. Si tu sais pas faire, on tient les mains quand tu te penches. Voilà. C'est pour ça qu'il y a les poignées sur les portes, pour se pencher. Si la poignée lâche, c'est le cul dans la merde. Voilà, où il y a la famille, t'appelles le tonton, il te tient. Te faire jouer, je suis désolé, là je dois participer à l'Eurovision avec la famille, il faut que je te laisse. 10 points. On doit te laisser te faire jouir. Ah. Ouais. Allez, je te fais un gros bisou, cousine italienne. Si. Mets-toi à chanter. Sole, sole perché ti amo, è un'emozione, ma la città. C'est bon, j'ai raccroché. Vieni più vicino, se c'è sto cuore, sarà perché ti amo. L'amore si sa, il è per trovare ti giuro. Énorme. Salut Guillaume mort derrière, j'en peux plus, vous êtes en train de vous manquer. Salut Franck. Ah, salut Franck. T'as pas une cousine russe? Ah bon, le français. J'ai pas autant ri depuis des mois, vous êtes des fous. Putain, énorme les cousines, j'en peux plus, vous êtes des ouf. T'en as pas une de Nouvelle-Zélande, salut, ça déchire 47. La cousine belge mort derrière, vous déchire. Salut Max. Pété derrière, énorme, salut Zaina. Putain, c'est le meilleur jeu des périodes de l'histoire, ça vous a fait du bien, les vacances trop fort. Le taxi débarque, putain, j'en peux plus. Mettez-la sur YouTube, s'il vous plaît, avec plaisir. Ah ouais, On va vous mettre vous mettre avec plaisir. Je suis pas sûr que les cams marchent, mais enfin, au pire, on vous mettra le son. Putain, le foie, elle était puissant pendant les pervers. Vous êtes géniaux, Fanny du 59. Bisous. Merci beaucoup pour tous les messages. Content de vous entendre à nouveau pour les bonnes. Soin de vous, Guillaume. Bisous, Zoé. Très un gros bisous, Zoé. Merci salut. Beaucoup. Salut, Zoé. Et on pourra se refaire la semaine prochaine les nationalités qu'on n'a pas faites. Ah les Russes, les Australiens. J'ai reçu votre sticker après que vous soyez parti en vacances, donc j'ai pas pu vous remercier. Alors merci, de rien. Avec grand plaisir. Les meilleurs pervers de tous les temps. Dites-moi, ça me fait plaisir quand vous dites que c'était merci, bien. Ouais. Voilà. Hashtag Guillaume Radio sur Twitter si vous voulez mettre un petit tweet. Je l'ai lis aussi, là, franchement. T'es number one, je t'adore. Voilà, en parlant de JM du Standard qui a tout déchiré quand il a fait l'italienne. Trop fort, vous êtes les meilleurs. Ils ont fait fort pour ce premier pervers. Jean Pierre, salut Guillaume, c'est qui le papa? Salut Fanzouz. Fanzouz sur Twitter. On t'embrasse. Hein, voilà, hashtag Guillaume Radio et puis sur le Standard SMS Guillaume et votre message aussi 112. Juste après. Vous avez même pensé à nous les Roumains. On fera les Roumains la semaine prochaine pour vous les Roumains. Salut Eric Devigneux, là c'est juste un pur plaisir de vous écouter. Salut les gars, merci beaucoup. Elle ne m'a rien demandé. Ça m'avait manqué ces fous rires. Elle est si douce, elle est si fine. Vous gérez les gars, c'est au top, trop nerveux, énorme. Salut Guillaume, on voit. Alors c'était énorme. Salut à toi là, énorme. Ce putain de pervers, la saison on commence putain de bien. Et vous avez pas encore entendu les nouveaux jeux. Et après-demain. Toutes les vieilles chansons, quoi, l'ancienne. Alors, ça va, Guigui de la Régie? Ouais, bah nickel. T'as passé de bonnes vacances? Très, très bien. On est un peu pressé, on a une minute. Tu vas nous faire écouter un son d'une minute 36. Vas-y, fais-nous écouter le premier. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? À chaque fois, il nous raconte. Juste avant, on se fera l'énigme après les PS4 et les iPad Air 2 à vous filer, les enceintes Bluetooth Bose et les bracelets connectés, on vous file plein de trucs. PS4, iPad Air 2 et enceintes Bluetooth. Et dans la foulée, on parlera de fion de cul. Il y a le Corse, si vous appelez Jean, qu'on va retrouver dans deux minutes. Il y a Léa. Paul, Slimane qui a passé un petit coup de fil, Cyril aussi, plein de messages qui sont arrivés au standard pour passer avec nous, mais il n'y a pas de problème. Et alors, Guigui de la Régie, qu'est-ce que ça trouvait de bien alors? Le premier son, en fait, ça concerne Pokémon, donc le dessin animé. En gros, il y avait une scène un peu bizarre dans Pokémon. Il y a Sacha, le héros principal, il est avec ses deux copains, et dans les deux copains, il y a une petite sœur. La petite sœur, elle veut caresser Pikachu, et le problème, c'est qu'au fur et à mesure que la situation avance, ça devient très très bizarre. Dis donc, Sacha, est-ce que Pikachu

to doing bad. Now we feel like we just now getting there. Getting there, getting there, getting there, getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Tout ce qui est bon va par deux. Les cerises, les Twix et Guillaume Radio 2.0. Pendant deux heures, de 22h à minuit, du dimanche au jeudi sur Énergie. Sac Noël après chez Sean Paul, on se calera Trompette, on se calera aussi Pitbull Florida. So give me the green light. I'm ready to go. Green light, déchire, Pitbull Florida. Première radio de France, 22h minuit, les deux dernières heures de la journée, les gars, les plus importantes pour lesquelles on peut se retrouver tous ensemble à rigoler un peu. Merci Squeezie pour Pikachu. Ah, c'est Squeezie qui a trouvé ça. En fait, tout le monde l'a partagé, mais Squeezie ah, aussi. Ouais. Mais vu que Squeezie il a 10 millions d'abonnés, quand il met un truc, bah du coup. Ouais, ça se voit. Mais hein. On l'embrasse d'ailleurs, Squeezie. Salut. On va, ouais. On va le réinviter cette année. J'espère qu'il reviendra faire de la radio avec nous un soir. On a bien rigolé quand il était venu. Salut l'équipe, j'ai trouvé des capotes pleines. Je voulais savoir si ça vient du cul du stagiaire. Non, non, non, non. The Joker. C'est pas moi, non. Guigui de la Régie, alors tu nous as fait écouter Pikachu, un extrait du dessin animé. Ouais, c'est ça. Dis donc, Sacha, est-ce que Pikachu aime qu'on lui caresse la queue comme je viens de le faire? Oh oui, il adore ça. Tu es tellement mignon. Attends, je vais te caresser encore. Voilà, ça c'est un petit extrait. Qu'est-ce que t'as d'autre alors aujourd'hui, Guigui de la Régie? C'est dans un autre registre, mais c'est une vieille pub en fait des années 90 qui est ressortie. On sait pas pourquoi, mais elle est ressortie. En gros, ça concerne une poupée qui peut faire pipi. En gros, tu lui lèves le zizi, il a fait pipi. C'est un enfant, quoi. Ça s'appelle Zigounet. C'est de l'eau, quoi. Oui, c'est de l'eau. C'est ouais, comment ouais. Ça s'appelle Zigounet Pipi, la poupée. Et, c'est vrai. La vidéo et tout. Et le truc, c'est qu'il y a la vidéo, et du coup, ils en ont fait une chanson pour la pub. Zigounet pipi. Non mais c'était quand? C'était dans les années 90. Tu dis ça au hasard ou t'es non, sûr? Non, non, en fait on n'a pas la date mais la... Ça me dit quelque chose moi une poupée qui... Ah ouais? Ouais, il y en avait qu'il fallait nourrir oui, aussi. Oui, oui. Et après elle faisait caca je crois. C'est vrai? Ouais. Mais non, non elle... Si, si, si, si. C'est pas du chocolat qui tombe, c'est quoi? Attends, Flo des cadeaux, quelque chose à nous raconter. Qu'est-ce qui t'arrive Flo des cadeaux? Non, j'avais même vu des poupées qui étaient enceintes en fait. Ah oui, Barbie. Des bébés enceintes de ouais. Bébés. Oh là, c'est bizarre. C'était assez chelou. Ah, c'était assez chelou, ouais. Elle perd les os, non? Et donc, attends. Elle pouvait lui ouvrir le ventre, elle avait un petit bébé dedans. C'est vrai? Ouais. Mais lui ouvre le ventre comment? Bah, c'était une sorte de clapet, en fait, de porte que tu pouvais ouvrir. C'est pour les cours de bio. Et dedans, il y avait un ouais, bébé. Ouais, mais c'est pas le ouais. N'empêche, comme ça, tu peux. Oui, mais un bébé ouais. Dans un bébé. Ouais, mais les petits, ouais. Ils comprennent pas. Ouais. Et quand tu joues à ça, t'as pas 15 ans. Eh bien, des poupées. T'as 3 mois, quoi. T'as 6 mois. Enfin, tu... Non, t'as 3 ans, 2 ans. Ah oui. Le son Zigounet était dans une vidéo du genre énorme. Allez, salut, les gars. Vous pouvez faire un jeu où tu poses des questions à tout le monde, chacun son tour, et celui qui trouve pas prend un gage. Salut, les gars. Vous assurez trop, les gars, comme toujours. Je vous kiffe. Ouais, c'est trop gentil. Merci. Ouais. Merci hein. Guillaume, merci. Et votre message au 612, on fait l'énigme. Juste après, je vous offre des PS4, des iPad Air 2 aussi. Et on va retrouver Jean de Porto Vecchio qui en a appelé. Alexandre et Léa dans 30 secondes. Juste Guigui, la Régie, un petit dernier son. Ouais, un dernier. Vas-y. Fait, c'est au Brésil, là, c'est à Rio. En fait, c'est un artiste de rue qui se produit dans les métros de Rio. Et le truc, c'est que là, il s'est fait filmer parce qu'il a fait un duo avec son perroquet. Donc, il était à la guitare. Le perroquet était perché sur la guitare. Et du coup, le guitariste joue. Il joue la guitare et il chante. Et du coup, en même temps, le perroquet. Il siffle pour la mélodie et bah, quand c'est à lui de chanter, il chante. Alors, il fait un duo quoi. Oui, il fait un duo. Ouais. Ouais. C'est dingue quand même. Ouais. C'est ouf. Il y a combien d'heures d'entraînement pour les évoquer qu'on prenne? C'est énorme, c'est énorme. Imagine quand tu perds ton perroquet qui meurt ou quoi, après comment t'es triste, parce que là, c'est vraiment c'est un enfant, c'est comme un chien. Ouais, plus comme un chien, comme un enfant quand même. Ouais. C'est pas le perroquet là. C'est gênant. Si tu relâches ton perroquet avec ton enfant, je sais pas. Putain, énorme. Merci Guigui de la régie. Mais pas de soucis. On se revoit quand du coup, jeudi? Mercredi. Mercredi. Non, jeudi. On est quel jour? On est mardi? On est mardi, ouais. Eh ben jeudi. Dans deux jours. Eh ben jeudi. À jeudi. À jeudi, Guigui. Merci. Attends, il y a des questions pour. Ouais. Il y avait des questions pour Jean. Qui avait passé un petit coup de fil, il y avait des questions, enfin il y avait plein de messages d'appel, et on va juste faire l'énigme en 30 secondes parce qu'on a quand même des cadeaux à vous offrir. Tu m'entends Léa? Oui, oui. Ça va Léa? Salut. Ça va? Salut. Vous allez bien? Ah là là, on s'est déjà vu Léa ou pas? Non, d'accord. Non, okay. Malheureusement. D'accord, ok. Non, mais j'ai l'impression. Ouais, on est venu à Montpellier. C'est pas toi qui avais perdu à 1 500 euros là, qui veut gagner des millions. On t'a jamais vu à la non, télé, pas non du tout. Par contre, tout à l'heure, je voulais dire, tout à l'heure, vous avez fait l'accent portugais. L'accent, oui, on a fait un peu tous les accents du monde. Attends, je précise, on fait tout mal. On est pas portugais. Hein. Non, désolé. Je suis portugaise et si vous voulez, en fait, j'ai entendu, j'ai un stagiaire dire caray et si vous voulez, caray, je pense que vous savez ce que c'est. C'est-à-dire enculé. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit pour ma défense. C'est toi, j'ai le sonar. Ouais, c'est moi. Alors bah non, mais c'est tous les mots qu'on connaît. Ah oui, bah oui, c'est cliché un peu. C'est connu, mais personne ne sait. C'est enculé en fait, ça veut dire. Donc faut éviter c'est bon. C'est plus joli caray qu'enculé. Ouais, faut éviter. Ouais, c'est à dire que si par exemple vous draguez une meuf, ah salut t'es portugaise, ah salut caray, va mal le prendre. Bah, c'est dit oui, ça veut dire que c'est bon signe. Ah ouais. C'est comme voilà, c'est à dire quand tu dragues une fille, tu dis pas. Ah, ça, je sais plus tenir, mais bon. La braquer, quoi. Ah ouais. C'est un délire, ouais. Julien a bandé à moitié quand il a fini, du coup, il a dû mettre ses couilles vides dans son mic. Non, ça va, j'étais bien. Zigounette Pipi, c'est l'ancienne version du Baby Boom, salut à toi. Baby Born. Ah c'est ça, ça Baby Born. Ouais. Merci. Cherchez Maya l'abeille avec le ver de terre, apparemment c'est drôle aussi. Salut Ramsès. Maya l'abeille avec le ver de terre. On note. Petite question pour Julien, est-ce qu'elle sait comment s'appelle la voiture de retour vers le futur, Julia? La voiture de retour vers aucune idée par contre. Non, c'est pas vrai. Ah, je te vois, mais je vous alors, jure, ça, c'est la question. Je peux te dire qu'il y en a déjà une déteste. Non, mais tout ce qui est retour vers le futur, les Seigneurs des Anneaux et tout, j'ai. Tout ce qui est voiture de retour vers le futur. Particulièrement, je suis pas bonne. Ah ouais. Tout ce qui est film. Le bonheur, il est où? Dans la DeLorean. Bah oui. Ah oui. Ah, il est où? Tu connais le mot DeLorean? Oui, tout à fait. Mais l'acteur principal, comment il s'appelle? Quand même. Comment il s'appelle le personnage dedans? J'ai fait l'amour. Dans Retour vers le futur, Julia qui est nouvelle dans l'équipe. Je vous jure, c'est la honte, je sais, mais je l'ai pas vu. Et ben ce soir tu le vois. Voilà. Les trois là. Sinon tu rentres plus demain. On va faire comme ça, voilà. À la dure. On va faire la pute, hein. À la façon. T'es en kebab, toi, ça va. Salut Julien. Salut. Alors attends, salut Guillaume, Julien, il va branler et ouvrir la bouche devant ses goulets de pute. Mais n'importe quoi. Il y a le respect là. Respectez la poupée, quoi. Ah, non. Il a envie. Ah ouais. Mais oui. Bah oui, regarde, t'es qui là. Il y avait la pub. Ouf. Il avait son pot et tout, il faisait pipi. Bah oui, faut lui lever les zigounets. Merci pour les cadeaux. Salut, c'est du chocolat qui sort comme du caca. Le stagiaire va devenir nécrophile, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, quoi? Faut arrêter à un moment donné. Bon, en tout cas, merci. J'ai le stagiaire, ça sert de la poupée avec une bite en gote. Salut, merci beaucoup. Non, pas du tout. Ah, la violence des messages. J'ai rien dit. Zigounette pipi, zigounette pipi. Zigounette pipi, zigounette pipi. Il a envie. Qu'est-ce qu'il y a, j'aime du standard? Elle a trouvé pire. C'est quoi? C'est une poupée qui fait caca. On l'a trouvé. Une poupée qui fait caca dans son jean. Changer les couches, c'est quoi? En fait, ça fait le jean tout marron. Voilà la laver. Voilà la laver. Tu dois lui mettre un liquide dans la bouche et... Comment tu la charges? Bah t'enlèves le jean, tu le laves. Comment tu recharges la poupée? Après tu mets du liquide marron dans la bouche, il y a un petit biberon qui est vendu avec du liquide marron et ça sort par le cul et ça salit le jean. Je sais pas qui achète ça. Salut Samy du 95, laisse ton numéro si tu veux passer, frérot. Sur ton papa qui va pas bien et tout, t'es le bienvenu, Samy. Tu me laisses ton numéro, puis je t'appelle ce soir ou demain avec grand plaisir, man. Léa, on va juste lâcher rapidement l'énigme. On a 6 phrases. Et ouais. Le but du jeu, c'est d'envoyer Guillaume avec la bonne réponse avec votre numéro au 6-11-12. On vous file des PS4, des iPad Air 2, des enceintes Bluetooth Bose et des bracelets connectés. On t'écoute quand tu veux, Léa. Ok, alors, c'est un signe astrologique. Ouais. Il rugit. Ouais, carré. On peut tourner comme une case. Ouais. Quand on est en forme, on en a mangé. Dans le dessin animé de Disney, il est roi. C'est le roi de la jungle. Qui suis-je ? Alors, allez-y, hein, rapidement, là. Guillaume, donc, on fait ça chaque soir, un petit tirage au sort, ça dure vraiment 30 secondes. Il est 23h37 et 20 secondes. Allez-y, pendant 40 secondes, vous prenez votre portable. Il faut juste commencer le texto par le mot Guillaume pour qu'il arrive dans mon studio. Sinon, il n'arrivera pas jusque-là. Donc voilà, Guillaume, un espace et le mot que vous pensez avoir trouvé avec votre numéro de téléphone. Oubliez pas votre numéro, sinon je peux pas voir votre message, moi. Voilà. Guillaume, un espace, le mot, votre numéro de téléphone au 6 11 12. Guillaume, un espace, le mot. Votre numéro de téléphone au 6 11 12, c'est un signe astrologique. Il rugit. On peut tourner comme lui en cage. Quand on est en forme, on en a mangé. Dans le dessin animé de Disney, il est roi. C'est le roi de la jungle. Qui suis-je ? Voilà, Guillaume, donc, est la bonne réponse. Avec votre numéro 612. Allez-y maintenant, les mecs. Bonne chance. On se fait sac Noël. J'avais dit qu'on l'écouterait. C'est celui-là, on se fera sauf. Quand vous êtes en cours, quand vous reprendrez la rentrée là ou sur Twitter, sur Facebook, dites-leur que ça recommence à hein, 22h minuit, les gars. Première Radio France, on n'est pas venu en cul et mouche. Non, mais c'est vrai, on n'est pas venu en filet patata. Dites à tout le monde qu'on se retrouve là le soir et qu'on rigole un petit peu tous ensemble. On se fait Sopra dans 2 minutes, mais d'abord le gros hit de Pitbull. Avec Florida, Pitbull Florida, il s'appelle Green Light, on se l'écoute maintenant. Il déchire le morceau. En mode mi-cubain, mi-West Coast. On se le calme maintenant. Green Light, écoutez le plus gros hit du moment. On se fait les gros hits sur énergie, on les découvre dans l'émission. Le soir, 22h minuit. Merci les frères d'être avec nous. Merci si vous bossez, bon courage. Si vous êtes en vacances, profitez bien. On est ensemble chaque soir. On écoute la même chose, on fait la même chose, on rigole ensemble sur énergie. Dream, I wanna make it ooh, ah, feel you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between, I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light, cause I'm ready to go. Ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Lego. Give me what I asked for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow a genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out, slide out. Rally stripes, 7500, bye bye. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? changement d'horaire. Maintenant, Guillaume Radio 2.0, okay. C'est de 22h à minuit sur Énergie. On se le fera snack avant avec Justin Bieber avant de partir jusqu'à minuit. On est ensemble à 22h. Minuit, c'est l'heure qu'il faut retenir. Voilà, je suis les deux dernières heures de la journée. 22h minuit. Merci en tout cas d'être avec nous. Je m'appelle Guillaume. Si vous découvrez l'émission, il y a Julien, le stagiaire de l'émission. Ouais, salut, je suis là. Et qui a niqué. Voilà, qui nous a raconté. Ça faisait 5 ans qu'il n'y avait pas eu de. Ouais, ça fait du bien. Petite relation. Ça soulage. Il est où? Bah, il est là, ça y est, ça s'est passé cet été. Il est où? Et JM du Standard qui est là avec nous. Julia qui est avec nous aussi maintenant. Salut. Salut. Salut. Salut. Et Flo des cadeaux qui est là. Salut tout le monde. Toute l'équipe qui est là, on fait une énigme. On file des cadeaux. Flo des cadeaux, il y a 4 types de cadeaux à gagner. Il y a des PS4, des iPad Air 2, des enceintes Bluetooth Bose et des bracelets connectés. Guillaume est la bonne réponse de cette énigme avec votre numéro de téléphone au 6-11-12. Qui suis-je? Réfléchissez bien ce que ça peut être. C'est un signe astrologique. Il rugit. On peut tourner comme lui en cage. Quand on est en forme, on en a mangé. On dit putain, il est en forme, il a mangé du. Dans le dessin de Disney, il est roi. C'est le roi 1. Hakuna Matata. C'est le roi de la jungle. Réfléchissez bien ce que c'est, les mecs. Guillaume, non, qui est la bonne réponse. Je vous file des cadeaux. Franchement, c'est une petite PS4 de gagner. C'est un bel iPad R2 là. On a tous ces cadeaux à vous offrir. On galère la journée pour essayer d'avoir les plus beaux cadeaux possibles. Le roi quoi? C'est un signe astrologique, il rugit. On peut tourner comme lui en cage. Quand on est en forme, on en a mangé. Dans les dessins animés de Disney, il est roi. C'est le roi de la jungle. Qui suis-je? Il y en a qui dit le clown. Le roi clown. Je pense que c'est par rapport à quand on est en forme, on en a mangé. T'as mangé un clown. C'est le premier message qui est arrivé ce soir. Qui suis-je? Guillaume donc. Et la bonne réponse, si vous avez trouvé, allez-y rapidement. On va voir. Salut Guillaume donc, qui a la bonne réponse au 612. Alors pendant ce temps, Julia qui est nouvelle avec nous ne connaît pas la DeLorean de Retour vers le futur. Oui, je suis désolée, pardon, vraiment. C'est pas grave, hein, tu sais. Ouais, je suis sûr que t'as d'autres qualités et tu sais autre chose. On va les trouver, t'inquiète. Allez-y, hein, Guillaume, donc, est la bonne réponse. Vous prenez votre portable en deux secondes si vous découvrez l'émission. Je vous explique, je le fais en même temps que vous. Vous allez dans Messages. Il faut juste commencer le texto par Guillaume pour qu'il arrive dans mon studio. Un espace, le mot, par exemple, chapeau. Vous envoyez 06, 60, enfin, vous mettez votre numéro. Et vous me l'envoyez au 6-11-12. Voilà, c'est vraiment facile. Réfléchissez bien à ce que ça peut être. Guillaume, un espace, voilà, la bonne réponse avec votre numéro de téléphone au 6-11-12. C'est un signe astrologique. Il rugit. On peut tourner comme lui en cage. Quand on est en forme, on en a mangé. Dans les dessins animés de Disney, il est roi. C'est le roi de la jungle. Voilà, c'est vraiment facile. Je vous file des petites PS4 à la cool, des iPad Air 2. Est-ce qu'il est arrivé mon message avec chapeau, JM du Standard? Je regarde, Guillaume. Julien, je l'ai vu se toucher devant Mr Bean, c'est pas bien. Non, il est pardon, Mr Bean. Alors, qui suis-je? J'ai l'impression que ça bug un peu, JM Standard, ouais. Non? Ouais. J'ai l'impression qu'il a pris un coup l'ordinateur pour la CS pendant l'été, là. Un coup de soleil. Merci, Julien Stagiaire. Je fais ça de l'aide de merde, Nico, hein. Il était bien calé. Guillaume est la bonne réponse avec votre numéro 612. Par contre, vous n'oubliez pas de marquer votre numéro dans le texto, sinon je pourrais pas vous rappeler, même si vous êtes tiré au sort pour gagner, les mecs. Paléa, tu reprends quand les cours là? Moi je reprends jeudi. Jeudi? Dans deux jours? Ouais. Ah, merde, ouais. C'est pour ça que je voulais absolument passer à la radio. En plus, c'est mon rêve de te parler. Donc, tu vois, je suis super contente là. Mais sérieux, avec plaisir, ma chérie. Je suis aux limites au bord des larmes, en fait. Oh là là. Oh là là. Oh, le calinou raté. Ouais. Et il est où le bonheur? Il est où? Il est là, Léa. Il est là. Il est là. Il est où? Non, t'es en quelle classe? Toi, tu rentres en quelle classe, Caray? En quatrième. Ouais, trop cool. Merci en tout cas d'écouter l'émission. C'est trop gentil. Hein. Depuis quand tu m'as dit que tu connaissais? La radio, ça fait 4 ans en fait. Ah ouais, putain, c'est sympa. 4 ans, ouais. Je suis tous les jours. Et t'avais jamais passé un coup de fil pour nous, avec nous? Non, parce que je savais pas comment se faire en fait. Putain, c'est trop dommage. J'ai appelé, j'ai cherché beaucoup sur internet. En fait, bon, j'ai plus trouvé d'informations sur toi et ton passé que des choses par rapport à la radio. Ouais. Donc j'ai trouvé un numéro, donc du coup j'ai appelé, qui est sur la copie. Ouais. Et puis j'ai reçu, il y a eu au téléphone une dame qui s'appelait Anne-Sophie. Et en fait, je pensais que c'était Amina du Standard, donc moi je me suis enjaillée, je fais « Oh mon Dieu, Amina !» Donc du coup, elle m'a dit « Ah non, c'est Sophie !» Et j'ai cru qu'elle se foutait de ma gueule. Alors du coup, j'ai fait « Ah d'accord, c'est trop drôle !» Et après, elle m'a fait « Ah non, non, l'ambiance, ça s'est cassé direct. » Elle a fait « Ah non, non, c'est pas une blague. » Ouais, c'est parce qu'en fait il y a des en fait c'est on prend des moins que rien en stage pour pour répondre. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, pas du tout, tu rigoles. Non, mais... non, on l'embrasse très fort, c'était s'appelait Anso ouais. Anne-Sophie, voilà, ouais, du coup. C'est vrai. Moi je l'ai cru appeler Anso pendant deux mois et elle est super gentille en plus. Ouais, Anso. Big up. Une très très jolie fille. Ouais, aussi. Non, non, faut dire j'aime du standard, il faut rendre à la beauté Attends, je suis un stagiaire. Ah, très belle femme. Franchement, elle sentait bon, charmante, bien habillée, élégante, bien coiffée. Parfum fantastique. Ah ouais. Non, c'est, on est d'accord. Tous les hommes ont remarqué. Mais elle est plus là. Elle est partie. On peut l'appeler. On a Julia qui est très très belle aussi. Attention, ouais. Julia. Ah, qui est, oui. Qui est, c'est un petit avion aussi. Vous avez sûrement vu les photos. On se met bien. On se met bien. Elle est sympa aussi. Bon. Mais... un peu moins. Elle mange beaucoup, Julia. J'aime le standard. Je rigole, Julia. Aucun respect. Julia, n'hésite pas. Oui, oui. T'as le droit, t'as le droit de réponse. Hein. Je n'en pense pas moins. Hein. C'est un vrai régal de. Ah, alors, ça, c'est de la merde. Ah mais c'est horrible. La pauvre, elle arrive dans une bande là, c'est normal, c'est trop dur, c'est très dur. Genre la peu cher, c'est vrai. Ouais, c'est bon, c'est la nouvelle. Il met des petits détails pour te montrer qu'il est au-dessus, qu'il emmerde. Il est horrible. Non, non, elle est chou comme toi, elle est super gentille, super jolie, vraiment. Elle a, c'est une fille intelligente, rigolote. Non, non, elle est vraiment marrante. C'est vraiment une fille avec qui je prends du plaisir d'être. On vous la conseille. Hein, allez, dans les couloirs et tout. Non mais je suis sûr, vous allez l'adorer, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a, James Sandor? Elle est brave. Non, je rigole, Julia, je rigole. Pas de ta coupe ce soir, JM. Ah, mais ça, c'est nouveauté 2016. Ah, d'accord. Il s'est fait une sorte de coupe laquée. Un peu à la Joule. C'est Summer 2016. Ah, bah là, c'est. Ah, merde. Ah, non. T'as le rare queen man d'oreiller. Alors, en tout cas, Léa, on va prendre. Est-ce que c'est le lion la réponse? Bah oui. Eh bah ça, oui, forcément. On attendait. Bravo. Les messages avec les numéros. Eh bah c'est bien arrivé. Voilà. Le roi Lion. Salut les gars. Guillaume, non, qui a la bonne réponse. Au 612 Léa de Montpellier, qui a lâché l'énigme. Le Lion, c'est la bonne réponse. Si vous avez envoyé Guillaume avec Lion et votre numéro au 612, je vous appelle maintenant pour vous filer du coup des cadeaux. On va voir. Il faut bien par contre répondre au téléphone quand ça va sonner. Si tu veux, parler de ton côté, Léa, c'est toi qui prends celui qui répond, etc. Pourquoi pas, par contre, les questions, c'est en gros, t'as quel âge, t'appelles comment, et t'habites où? Enfin, c'est pas trop. Exactement. T'arrives, tu animes, quoi, toi, tu fais. Tu parles normal, oui, quoi. Oui, enfin, oui, je pose des questions. Quoi, voilà, exactement. D'accord. Tu t'intéresses à la personne, à ton prochain, quoi. T'es chaleureuse. Ok. En plus, je suis avec un ami, là. Tu veux que je te passe, je suis avec un pote, là. Quoi? Il y a un monsieur qui vient de rentrer au studio qui est très connu. Est-ce que tu veux que je te le passe? Allez. Non, attends, vas-y. Vas-y. Tu peux ouvrir. Ouais, en fait, il est venu faire des jingles. C'est impressionnant. Hein. Ah, ok. Salut, vas-y, mets le casque. Ouais, mets le casque. Bonsoir. Vas-y, bonsoir. Directement. Bonsoir. Vas-y, rentre. Vas-y. Attends, tiens. Dis juste bonjour et ton prénom, s'il te plaît. Enfin, salut et ton prénom, quoi. Bonjour, c'est Stromae. Bonjour, c'est Stromae. Bonjour. Bonjour à toi, c'est Stromae. Stromae. Je suis avec un autre pote, tu veux que je te le passe ou pas, non? Allez, toute la clique. Le showbiz là. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Je suis ravi. Ah, je peux t'en passer plein. Hey, salut, c'est ton gars Willy Denz. Ah, putain, c'est ton gars. C'est ton gars sûr. Ah putain, c'est ton gars sûr Willy Denz. Alors attends, le gars sûr. Ouais. Est-ce que t'as Pikachu? Parce que je sais faire Pikachu. Non mais chérie, j'ai des trucs de. C'est des quand ils sont dans la cabine à côté, quand ils font les jingles, ouais, on découpe les trucs. Ça Pikachu, Pikachu il est pas venu lancer un hit encore. Si tu me touches, c'est M. Car moi ce soir je suis un meuf. Attention, préparez-vous à. Qu'est-ce que ça de l'aide de nerf, Nico? C'est même pas une blague, il y a une web radio exprès pour les Pokémon. Ah ouais, j'ai vu. Bah, tu vas, c'est une blague. Tu vas rigoler. C'est une des plus écoutées. J'ai passé mon samedi soir avec trois potes. Sur Energy Pokéball. Eh ben tu vois. C'est, et c'est pas une vanne, je suis sûr que c'est vrai. Et on a joué au Uno en écoutant Energy Pokéball. Et là, je me suis dit, Guillaume, faut se lancer. Je vous jure que c'est vrai. Et je me suis dit, putain, c'est quoi qui change? Ouais. Et change. Bah, en fait, c'est parce que. C'est les jingles. Non, mais en fait, en vrai, ça m'a fait marrer. J'ai pris Energy Pokéball. Et en fait, c'est des musiques un peu mélangées japonaises avec des musiques normales. Ouais, quoi. Mais d'accord. Ouais, la capo. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est de la bouse. Radio pour les vieux du voyage, c'est. Tu joues pas au Pokémon, toi? Moi? Non. Ouais. On appelle. Oui, j'ai essayé. On appelle et tu réponds, d'accord? Et tu lui dis, on fait tourner la roue des cadeaux. Allez. D'accord. Et tu lui poses deux, trois questions. Pose des questions avant. Ouais, d'accord. Ouais. Tu lui expliques les trois cadeaux et tout. Vas-y. Allô? Allô? Allô? Salut? Ouais.

trumpets blow. Les deux dernières heures de la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. C'est sur Énergie, avant de se dire au revoir. On est avec Léa de Montpellier qui était avec nous ce soir sur Énergie. Léa qui nous avait lâché l'énigme. Et recucu, et recucu à Mathis aussi qui a gagné. Et recucu à tous. Recoucou à toi. Je t'ai inventé les poissons rouges qui tiennent pas deux semaines. Quelle beauté. Bon, Mathis, tu voulais faire une dédicace? Ouais, dédicace au collège Saint-Gatien. Donc voilà, malheureusement, je le quitte. Ça fait 11 ans que j'y suis et du coup, je passe à l'Anatole France à Tours. Ça fait 11 ans que t'es à Tours, quoi. Ah. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, parce qu'il y a juste à dire qu'il y a. Il a fait sa blague de nerd, Nico, non ? C'est marrant, non, ça sonne hyper bien. Il a fait chier son. Il est où le bonheur ? Il est où ? Bon, en tout cas, merci à toi, mon Mathis. Je t'envoie l'enceinte Bluetooth Bose, la grosse, là. Je te repasse Julia. Je parlais de l'enceinte Bluetooth Bose. Ok, merci. Salut, Guillaume. J'écoute tous les soirs, même pour le collège et tout. C'est vrai ? Ah, c'est trop cool, mec. Merci beaucoup. Depuis combien de temps tu connais. J'ai découvert ça l'année dernière. Cet ovni radiophonique. C'est bizarre le soir. Je vous ai attendu tout l'été. Oh là là, vous m'avez manqué le soir là pendant l'été. Ah merci beaucoup, merci beaucoup. Ah mais j'ai mis la radio à fond là pour le jingle et tout quand vous êtes revenu. C'est bon, merci. Et était bien le jingle hier. Il était super bien fait. Putain. Parce que je fais de la radio aussi un petit peu. J'ai une web radio sur internet. Ah ouais, ouh, ça radiote. Ça web radiote. Ça web radiote. Ça radiote comment? Comment ça s'appelle le radio? Ça s'appelle SDJ Radio. SDJ, il n'y a pas de problème. À qui le tour, SDJ? Ah, c'est bon ça. Et ton émission s'appelle le spot des jeunes. Spoton, alors, et ben, dédicace, un frérot. Petit spot, place to be, quoi. Et tu veux faire de la radio après au long cours ou, juste... Exactement, je veux travailler dans l'audiovisuel. Oh là là, ça veut travailler dans le blin-blin, dans les le bling-bling. Ouais, t'as raison. Ouais. Tu voudrais faire quoi à la fin? Genre télé, radio, cinéma, papier, paplard. Théâtre. Radio. Télé-réalité. Le cinéma aussi, ça me plairait bien. Ah ouais, c'est normal. Hein, le cinéma, c'est bien. Oui. Le cinéma, ça fait rêver. Hein. My name is Bond. James Bond. Ah oui, d'accord. L'ambition. Ah ouais, non, mais c'est bon. Ça y est, t'es prêt. T'es prêt. Ouais. Connais ton texte. Attends, Salut, c'est Brian de la production. J'espère que tu vas bien, je t'appelle pour le casting. Tu veux bien participer à notre nouvelle émission de télé-réalité? 10 mecs, une seule fille, pendant 6 ans, sur une île déserte, sans bateau, sans vivre. Ça s'appelle... je peux dire des trucs très sales à ce temps-là. Mais ouais, ça va être notre nouveau jeu le jeudi, je vais faire un faux casting. On va rigoler. Salut Mathis, tu m'appelles Brian, je suis de la production, je suis avec Amadeus, mon assistant. Hello, salut, moi c'est Amadeus de la prod, enchanté. C'est Amadeus l'américain, c'est lui qui a racheté Endemol. J'ai fait mon brushing blanc, c'est moi le PDG de Endemol. Si tu veux te faire prendre, il faut que tu couches avec moi, ok? On a plusieurs choses à te proposer. Ok, ok. Par contre, ton prénom nous dérange, Mathis, c'est trop commun, on va t'appeler Brugule. Ça passe mieux. D'accord, bah pas de soucis, on m'appelle le poisson rouge aussi au collège. C'est parfait. Attends, on va juste dire bonsoir à Jean avant de partir quand même. Jean, il attend depuis tout à l'heure. Bonsoir Jean, de Porto Vecchio. Salut Jean. Salut. Ça va? Salut Jean. Enchanté Jean de Porto Vecchio. Putain, t'as de la chance, t'habites vraiment dans une belle ville toi, hein. Ça c'est vraiment beau. Hein. Au bord de l'eau. Oh là là là là. Félicitations à Julien. Je suis allé en vacances. J'ai revenu encore, c'était ça alors. Mais Julien Stagiaire à Ken. Ouais. Voilà, depuis 5 ans, on attendait. Je l'ai fait, voilà. On attendait, et puis ça y est. J'ai gagné. Et puis ça y est, voilà. Donc bravo à Julien Stagiaire. Hein. Merci. Hashtag beaucoup. Julien Stagiaire à Ken. K-E-N. Ouais. Les bien Ken, ouais. Jean, 31 ans, ça travaille dans quoi, Porto Vec? Moi, je travaille, je suis employé de mairie. Employé de mairie à Porto Vecchio, très bien, enchanté. Ouais. Avec la plage Santa Giulia, tout ça. Donc, voilà. Ceux qui vont là-bas connaissent la plage qui est magnifique. Hein. Palombage aussi. Ah, et Palombage. Oui, Palombage. J'oublie Palombage. T'as oublié. Ça va encore, tranquille, ouais. Toi bien, il fait toujours beau. C'est chaud, c'est c'est trop chaud. Ah ouais, là en ce moment c'est chaud. Ouais. Oh là là, le bol. Ah ouais, putain, c'est vrai. Nous, je peux dire que mon gars, il avait fait beau, mais là, ça y est, le soir, en moto, c'est tienne, là, c'est tienne, là, ouais, ouais, là, c'est fini. Un petit pull, là. C'est terminé. Bon, bon, en tout cas, mon Jean, employé de mairie, représente tous les employés de mairie, hein, partout. Hein, ouais, même l'administration. Hein. Le maire, tout ça. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah là, je suis au boulot, là. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. À minuit. Si, si, je suis au boulot. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais. C'est quoi cette mairie? Ben, je travaille la nuit avec mon collègue, là. Tu surveilles? C'est quoi cette mairie? Tu fais quoi? On ramasse tout ce qui est ordures ménagères la nuit. Ah ok, d'accord. Ah, vous bossez la nuit. Ah, t'es pas en bureau, t'es. Ouais. Putain, ça bosse H24. Ah ouais. Ça botte. Ah, ça c'est beau. Ça réveille les gens H24. C'est mon collègue. C'est mon collègue. Ça bosse 7-7-24. Ouais. Oh, chat. Bon, c'est voilà. les phrases comme ça toutes faites. Bon, chantez mon Jeannot. Qu'est-ce qui t'arrive alors, Jean? Ben écoute, moi je vais monter sur Bastia, une ville à 200 km de Porto Rico. Et il y avait une manifestation pour les prisonniers d'Aléria, une ville sur la route. Et je me suis fait arrêter par deux personnes en cagoule. Deux cagoulés, donc je croyais que c'était des flics à la base. Donc ils m'ont demandé les papiers du véhicule et tout, et donc je leur ai donné les papiers et tout. Mais je voyais les flics, donc je ne me suis pas méfié. Et les types, en fait, compte, ils m'ont pris en main, mais de A à Z. C'est-à-dire, ils t'ont pris quoi? Ils m'ont pris en main. Ça veut dire... c'était deux types qui faisaient la manifestation, ils se sont fait passer pour des flics. Ouais, ils t'ont niqué, enfin. Ouais, en cagoule, c'est vrai. Voilà, ils m'ont niqué, ouais, ils m'ont bien niqué. Mais pourquoi ils t'ont dit quoi, genre? Ils t'ont volé quoi? Ils m'ont demandé les papiers, le permis, un contrôle normal, quoi. Ouais. Et les types, ils étaient vraiment sérieux et franchement, je me suis un peu cagué dessus, quoi. Ah ouais? Mais t'ont volé? J'avais pas mes papiers sur moi et je me suis niqué, quoi. Et ça servait à quoi de faire donc, ça? Donc voilà. Je sais pas, c'est leur. Ils ont fait un trip comme ça pour le, ouais, pas fait payer pour le fun. Non, mais c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il y avait les flics à 30 mètres et ils les regardaient normal. Attends, les mecs, ils avaient des cagoules. C'est ça le pire. C'était un film, c'est chouette, un chouette, et les flics à côté. Une manifestation. Ouais, mais c'était quoi la manif? C'était quoi le but de la manif? C'était pour les prisonniers corses. Non, pour les prisonniers, pour qu'ils viennent en Corse, qu'ils restent pas sur le continent. Ah ouais, d'accord. Allez, que voilà. Les Corses rentrent en Corse, qu'ils les rapatrient en Corse. Ah, ils font ça, ils demandent ça. Ouais, ça arrive. D'accord. Voilà, ouais. Toi, t'es Corse d'origine, Jean? Ouais, d'origine. Et donc, du coup, ils laissaient un peu ils autorisaient les cagoules dans la manif, quoi. T'es les manifestés, du coup, toi. Ouais. Ouais. Ah bah de toute façon ils demandent pas l'autorisation je pense. Hein. Ils l'apprennent. Ouais, ils apprennent. Et après ils la demandent. Je suis fan de la Corse. Vous me vendez du rêve les mecs à chaque fois que je vous ai au téléphone. C'est original, c'est vraiment. J'adore. Ah ouais. Et alors attends et donc les mecs il y avait beaucoup de cagoules genre dans la manif. Ah il y en avait quelques-unes hein, quand même. Ouais. Ça veut dire que c'est qui? Et toi t'allais manifester? Non, moi je montais à Bastia, me promener tranquillement. D'accord, ok. Faire du shopping en cagoule. Tu montais voilà. Et moi, arrêté sur la route. Voilà. C'est ouf, quoi. Je vous fais un gros bisou, les Corses, en tout cas. Merci, mon Jeannot. Tu veux faire une dédicace? Je peux faire un petit coucou, pas, ouais. Vas-y. À mon collègue P qui est en train d'écouter et à Seb, dis la mobilette. Salut. Attends, mais là, ça fait. Bon courage pour le boulot si vous bossez, là. Vous attendez depuis tout à l'heure, du coup, vous avez fait une pause. Ouais, non, on travaillait. Okay. Bah, je vous fais un gros bisou, les mecs. Bon courage, voilà. En tout cas. Bisous, bise. Bise. Vous embrasse. Allez, bisous, les gars. Ciao, les Corses. Gros bisous. Salut, Mathis aussi. Salut, Léa. Tu veux faire une dédicace, Léa? Je laisse à Mickaël. Oui, vite fait. Alors, en fait, dédicace à mes potos d'Oléron, Jeanne et Aurore. Ma meilleure amie qui s'appelle Léa aussi. Nathan, Noémie. Mon meilleur ami qui s'appelle Désiré aussi. Il y a plein de gens, Inès. Il y a plein de gens, je les ai oubliés. Je suis désolée, mais tous mes amis, merci beaucoup d'avoir écouté. Jeanna, etc. Jeanna m'a dit de te dire, elle voudrait t'épouser. Ah, écoute, on serait là. Quel âge est là, Jeanna? Mon âge. Bon, on en parle avant. Attends. Je lui ai mis une claque après. Je t'embrasse, bon. Aléa. Merci beaucoup. Salut. Bisous. Merci à vous. Vous pouvez mettre la vidéo sur YouTube? Évidemment. On va pas mettre une vidéo d'énigme, chérie. Non, on met des vidéos, des trucs. On met des vidéos des jeux et tout, mais. Ouais. Mais je peux te l'envoyer, on va s'arranger. Ouais. T'inquiète pas. Tu raccroches pas, je te repasse Julia là, ou Flo des cadeaux, ou JM de Standard. Okay. Ou un mec que je connais pas. Bisous Maléa, bisous. Allez, je vous embrasse tous, on se retrouve demain. 22h minuit, on fera un nouveau jeu demain. Ouais. Nouveauté, médecin de famille, vous verrez, médecin de village, mais petite surprise, voilà, je me ferai passer pour un doc. Demain soir à 22h, gros bisous, bon courage à vous pour la journée. À demain, JM du Standard. À demain, bonne nuit, salut. À demain, Julia. Salut tout le monde. Bonne nuit, Flo des cadeaux. Bonne nuit tout le monde. Il est prêt, Mickaël, il est prêt. Il me fait signer. Oui, comme d'habitude, comment ça va? Et toi, ça va? Salut. Ça va, tranquillement. Depuis hier, JM du Standard s'est préparé toute la journée à prendre un strike. Mais non, on fait pas ça. Mais non, il a dû y réfléchir toute la journée. Oh, Ça peut lui faire plaisir de le croire. Allez, vas-y, j'ai pensé à toi toute la journée. T'es content? Non. Ils sont mignons. Je m'en fous. C'est un peu l'amour vache, mais l'amour. Ouais, c'est ça. Ils sont chiants. C'est un peu les chiens, les chiens. Mais oui. Mais on l'aime bien, j'y aime. Mais ouais. Il est là, il est brave. Ouais. Je l'ai dit il y a une demi-heure, ce mot était en retard. Non. Putain, mais vous pouvez pas vous parler calmement. Oui. J'ai un filtre dans mon casque en fait. Dès qu'il y a la voix de JM, ça coupe. Ça annule le son. Ouais. C'est pour ça que ça va venir. Bon, allez, Tom va venir te rouler un patin. Voilà. Ah, voilà. C'est si c'est je savais que ça l'exciterait ce cochon. Pas du tout. Il attend là. Oh, menteur. Je vais vous offrir un truc de yoga à faire tous les deux là. Ah ouais, sérieux. Mickaël allongé sur JM. Non, vous allez faire du feng shui ensemble là. Je te le laisse si tu veux, Guillaume, pas de problème. Ouais, non, mais pas de problème. Arrêtez, je suis sur lui. On dirait qu'il y a personne qui veut de moi là. Il y a personne qui le veut. Il y a personne qui le veut. Ah, mais moi je veux pas de tof. C'est difficile. Alors que j'étais déjà prêt à préparer l'huile de massage. Mais oui. Et les bougies pour t'accueillir. Moi je pourrais payer pour un massage de Tof, enfin de pour un massage bien, de JM. Ouais. Non. Et on pourrait payer juste pour regarder. D'accord. Et bah combien? Ça me ferait bien rigoler. Moi je vais réfléchir. C'est lui qui va kiffer, pour moi non plus. Donc, un massage à 4 mains avec Tof et Mickaël. Oh, mais quelle horreur. Ça ira. On a encore une émission à tenir, donc si vous pouvez avoir des images d'horreur. Ceci étant, c'est marrant. Il me dégoûte. J'ai des visions tout le temps le soir. C'est très compliqué. Bon, amusez-vous bien, les mecs. Ça revient demain, 22h. Ciao, les gars. Ciao. Bye bye. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout plaquer. T'es fatigué. Fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Tu t'ennuies déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, il y a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Eh ben oui, on est là, minuit, ça y est, nouvel horaire, deuxième émission avec ce nouvel horaire est définitif, en tout cas pour la saison, a priori. Hein. On commence à minuit, on finit à 4h, comme d'habitude avec Polo le philosophe qui est là. Oui, bien sûr, j'y ai pensé toute la journée. Voilà. Malgré la maladie, oui, oh là je là, ne vous lâche va, pas. Il a mal à la gorge. Oh oui, malgré la souffrance, je il serai là. Il a failli pas venir aujourd'hui, tout ça parce qu'il a mal à la gorge. Alors, je vous explique pas l'histoire. C'est beaucoup plus grave que ça. Mais oui, c'est ça. Ouais. Et n'oubliez pas, si vous voulez réussir et pécho de la meuf. Si vous voulez réussir dans la vie, mentez-leur. Elles adorent qu'on leur mente. Et pour prouver évidemment cette thèse, nous ferons un mentez-leur. Elles adorent qu'on leur mente ce soir. C'est le jeu. Si vous avez envie de piéger votre copain, votre copine, papa, maman, frère, sœur, tout ça, on va vous imposer trois mensonges. Si vous arrivez à les lui faire croire, c'est gagné. Si vous voulez jouer, vous appelez dès maintenant. Seba qui est au standard 0140 71 5000. Si vous êtes en Belgique, vous pouvez faire le 02 703 0071. Et puis vous passez en direct à l'antenne. Voilà, Seba alias l'Espagnol, alias Alès, alias le Parasite, qui est là et qui n'a pas perdu son pari. Il devait mettre le podcast de l'émission d'hier avant 5h30 ce matin. Et apparemment, puisque et c'était tout juste, hein, tout juste de chez tout juste. Amina peut en témoigner, oui. Puisque Seba alias l'Espagnol, alias le Parasite, alias Alès a hébergé Amina hier soir. Et soirée en tant que pyjama. Grand gentleman, il lui a laissé le canapé. Canapé, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, puisque soi-disant son lit est souillé par d'innombrables. Oui. Il n'a pas bondé depuis 2 ans. Voilà, par d'innombrables meufs qui baisent. Non, pas du tout, il bave la nuit, c'est différent. Ouais. Voilà, ouais. Bon, donc voilà, si vous voulez passer en direct ce soir à l'antenne, vous êtes évidemment les bienvenus. Et puis, Tof qui va se faire insulter aussi, comme d'habitude. Avec j'espère, plaisir. En tout cas, c'était hier soir, ça. Vas-y, on va faire des poteaux, nique ta mère, fils de pute, je suis pas des poteaux avec des PD. Voilà, ça c'était notre ami Tartman qu'on avait appelé hier pas, soir. Non, c'est homophobe. Bah oui, mais bon, c'est lui qui l'a dit, hein. Je pèse en brochette. Voilà. Tu cours à ton cul. Eh oui. Voilà. Je vais niquer ta grosse gueule de bâtard. Voilà, et enfin, un petit dernier. Moi, j'accumule mon poteau sur le cul de ta mère, fils de pute. Voilà, c'était dans les appels malades. Attentionné. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est de retour la nuit, on peut enfin remettre de vraies insultes. On n'est pas obligé de dire zut zut zut sur le tutu. Tu vois, on n'est plus obligé de faire ça. Voilà. Mais là, on peut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, telles qu'elles existent. Et puis c'est comme ça. Bon, et puis Amina également qui est avec nous en pleine forme. Amina qui nous a rejoint et qui passera la saison avec nous, sauf si elle décide de quitter le navire avant la fin. Prendre la fuite. Non, tout va bien. Et puis bon anniversaire Amina qui. Oui. Qui a changé. Si, bon anniversaire. Ah si. Arrête, la petite chanson. Ah non, attends, chanson d'anniversaire. Non mais je me trouve mal. Arrête. Mais non. Et le glucose, le glucose a chuté. Elle va faire un AVC, attention. C'est sûr. On m'amène une perfusion. Bon anniversaire. Voilà. Merci beaucoup. Bon anniversaire, Amina. Oui. Ce qui nous fait donc 25 ans. 12 ans à peu près. Hein. Et demi, ouais. Voilà, 12 ans. 25 ans, dis donc, le quart de siècle, ça y est, c'est ouais, fait. Ça y est. Et ben, dis donc. Bah ouais. Oh là là là là là là. Le début de la fin. C'est dingue. Amina, faut savoir qu'elle écoutait l'émission Sans Interdit qu'on faisait avant quand Koé n'était pas encore là. Mmh. On était entre 2005 et 2010. T'avais quel âge à l'époque? Il y a 11 ans, j'avais. Bah 25 ans moins 11, t'es sérieuse? Non, ça va, j'avais 14 ans, ouais. Voilà. Est-ce que t'avais imaginé un jour voir la gueule de Toff en vrai comme ça là à côté de toi là? Mais non, mais c'est pour ça que je réalise mon rêve aujourd'hui. Oh, non, c'est pas ça, merde. Oh là là, c'est plus le rêve, hein. Ce rêve cheap. C'est plutôt un cauchemar, hein. C'est clair. Bon, on écoutera Charlie Pousse. Il y aura Paris, oui. Il y aura Paris William. Il y aura William. Putain, Willy William, je vais y arriver. Il y aura Coombs également. Et LP. Ça, c'est une grosse tuerie. Je vous le mets tout à l'heure avant 1h du mat. Et tous les messages qui arrivent sur mon Facebook, bon anniversaire Amina. Si vous pouvez lui envoyer directement chez elle, ouais, ça m'arrangerait. J'essaie de répondre à tout le monde, mais si je pouvais éviter en plus de faire le coursier, hein, ce serait vraiment sympa de votre part. Hein. Ça va. Voilà, c'est Amina sur Énergie sur le Twitter de l'émission, et puis voilà. Amina@énergie.com si vous voulez lui faire un mail. Il y a Xavier qui dit salut Mickaël et la team, salut Xav. Il y a Léa aussi, enfin Mickaël et la team, avant de dormir, il n'y a pas mieux. Bah salut Léa et gros bisous. Caro également qui dit au taquet pour vous écouter et rigoler avec vous. Mickaël et toute l'équipe, salut Caro. Et Lucas aussi, quand on n'arrive pas à dormir, eh ben on écoute Mickaël. Oui, et puis globalement, on peut parfois aussi se forcer à ne pas dormir, n'est-ce pas Benjamin qui est avec nous dans les Yvelines, 22 ans. Salut Benji. Bonne rentrée à tout le monde. Salut. Bah tu sais, nous on n'est pas vraiment parti en vacances, donc on n'est pas rentré. On a juste changé d'heure histoire de dire waouh, il y a un peu de nouveauté. Mais sinon, mais en parlant de nouveauté, il y aura un nouveau jeu demain. Oh, voilà. Demain on va le faire nouveau jeu. Ce soir on se fait le menteleur. Elles adorent qu'on leur mente. Et puis Benjamin, on va parler de quoi avec toi dans un instant? Eh ben écoute, il m'est arrivé une sacrée couille. J'ai montré ma bite sur Snapchat à tous mes abonnés. Super. Ah mais t'es un bon toi. Qu'est-ce que t'as foutu pour faire ça? Faut être con quand même, excuse-moi mais. Ouais, c'était une fausse manip en fait. J'ai paniqué, tu vois. Mais non. Ouais. Tu fais une fausse manip quand tu veux te faire une photo de toi et en fait tu fais t'oublies d'inverser la caméra, tu fais une photo du plafond. Là c'est une fausse manip. Non. Hein? Tu fais une fausse non, manip. Mais, voilà. Mais c'est pas une photo de ta bite. Le problème c'est les règles du jeu quoi. Mais quand le sang est dans la bite, on réfléchit pas. On comprend rien en fait. J'ai pas compris. C'est un code? Non, pas du tout. Je dis juste que là, j'ai fait une fausse manip et en fait, au lieu de l'envoyer à la fille que je cherchais, je l'ai mis sur ma story. C'est pas une fausse manip, mec, c'est ta bite, quoi. Ah c'est oui. pas un bouquet de fleurs. Mais comment t'as pu faire une fausse manip? Parce que, enfin, je veux dire, ce qu'on en parlait justement avec Amina hier, il faut valider quand même pour envoyer. Mais franchement, j'ai à peine réfléchi, j'ai fait ça vite. Et bah, c'est ce qu'on te reproche, Benjamin, d'avoir à peine réfléchi, justement. Mais oui, c'est là tout le sujet, quoi. Exactement, c'est bien là tout le problème. Bon, Benjamin, reste avec nous, on va en parler dans un instant. Si vous avez vécu la même chose, 01 40 71 5000. Il y aura donc Charlie Pousse comme promis. Il y a Abdel qui dit: je suis content de vous retrouver ce soir et bon anniversaire Amina. Salut. Merci. Abdel, heureux de vous retrouver. Amina, tu es la plus belle. Les bâchés des pulls à pisse. C'est JC du 29. Salut JC. Et puis n'oubliez pas tous vos messages hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Venez nous rejoindre aussi sur Facebook, Twitter et Insta. Vous tapez simplement M-I-K-L officiel. Et en plus de ça, je vous rappelle qu'il y a toujours la PS4 à gagner sur le Facebook de l'émission. Tirage au sort jeudi soir. Si vous voulez jouer avec nous, et ben vous êtes les bienvenus. Voilà, vous tapez donc comme je le disais M-I-K-L officiel. Les appels attentionnés dans un quart d'heure. Et puis on va démarrer maintenant avant de récupérer Benji là avec le son de Mike Perry sur Énergie. Il est minuit 15. Passez une bonne nuit tout le monde. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a I'm Beaucoup de gens qui demandent pourquoi j'ai mis une chemise aujourd'hui. C'est pour l'anniversaire d'Amina, évidemment. Hein. Bien sûr. Non, mais attends, normal. Oui, bah, évidemment. Faux. Eh ben, évidemment, bah voilà. Attends. Tu peux compter les moutons. 1, 2, 3. Mais ça ne marche pas toujours. Ou bien tu peux attendre que le sommeil arrive. Tu n'arrives pas à dormir. Parfois c'est long. Long. Très long. Mais c'est mieux de ne pas insister. Plutôt que de chercher le sommeil, écoute Mickaël sur Énergie. De minuit à 4h. Et oui, on est là tous les soirs, minuit, 4h, nouvel horaire, donc depuis hier. Je vous mets Charlie Pouce dans quelques minutes. On va lire tous les messages aussi. C'est bien de retrouver l'équipe. L'équipe et le gros top de merde. Voilà, le message est arrivé. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Thomas qui dit salut l'équipe, vous êtes au top. Salut Thomas. Les bâchés puent la merde, vive les frigos. Et Fabio aussi qui dit c'est parti. Salut Fabio. On est là jusqu'à 4h. Thomas également du 27, content de vous retrouver des potos. Coup de pelle au chien de la casse. Évidemment, c'est Toff et Benko du 42. Bonsoir l'équipe de la Night, me revoilà enfin à vos côtés. Coup de pelle à Toff que j'emmerde et encule à sec. Bienvenue à Amina. Merci. Et le deuxième dans sa tronche. Voilà. Je pense qu'il a pris assez. C'est dommage qu'on ait plus de nouvelles de. Merde, comment il s'appelait encore Terence Non, oui, aussi, mais celui qui envoie toujours des messages d'amour en début d'émission. Ah, Aziz Laboussole. Putain, ça, Aziz Laboussole, ça fait longtemps qu'on a plus de nouvelles de toi. Je m'inquiète, j'espère que tu vas bien.